les champions, putain! On est les champions! Non, mais tu le crois, ça? On est les champions! Non, mais c'est fou! Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe! Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sports & Chill. Nous sommes le lundi 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague. Encore une émission de Sports & Chill ce soir. C'est la 28e de cette saison 4. Et ce soir, grosse émission, gros programme. J'ai présenté tout d'abord les chroniqueurs parce que j'en ai pour un petit moment, parce que ce soir il y a du beau monde, il y a beaucoup de monde aussi d'ailleurs. Un quart d'heure de présentation d'ailleurs. Romain, bonsoir à toi. Et bonsoir à tous. Tim effectue son grand retour là, ouais. Un peu bronzé, hein, je sais pas. On a pris les soleils, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est bon, ravi de revenir, les gars. C'est ça de faire du tourisme à Lunel, tu vois. Et il y a Viavino pas loin en tout cas. Il est vrai. Je vous le conseille. Pour aller faire un nectar. Pour les intimes. À ma gauche, il y a Alex et Jules, un peu en mode rugby ce soir. Et il y a un autre aussi, un Guillaume qui nous fait un retour aussi, qui nous parlera également de rugby. Bonsoir à vous, les gars. Bonsoir. Bonsoir. Nos flanqueurs et notre troisième ligne centre, en somme. Exactement. Ouais. Et il nous reste deux autres chillers, des retours, hein, et peut-être une nouveauté, peut-être pour pérenniser la prochaine fois. C'est Michel et Christophe. Bonsoir à vous, les gars. On vous entend de loin. Allez, petit bonjour. Oui, salut. Et bah donc ce soir, comme je vous l'ai dit, gros programme. On va parler donc de Ligue 1, de Coupe de la Ligue. C'est pas ça le gros programme. De Coupe d'Europe, de tennis avec le tournoi de Miami qui s'est terminé. Les sports mécaniques où il y a trois sports, MotoGP, WRC et Formule 1. De cyclisme, évidemment, pour le plaisir de Romain, j'en suis sûr. On va parler de sport montpelliérain comme toujours avec un petit focus sur le waterpolo. On va parler du handball ainsi que du BLMA notamment. Et le gros problème, c'est parce qu'il y a l'interview de la semaine aujourd'hui, c'est sur les Montpellier Vipers avec l'entraîneur Stéphane Gros qui viendra à nous parler du club de hockey sur glace, donc de Montpellier, et ainsi que Arthur Montenoise, donc un jeune joueur, un jeune défenseur de 22 ans qui sera là également. Voilà, puis après le quiz de Romain. On sent que c'est un gros quiz ce soir, je sens que Romain est à l'affût. Ouais, il a l'air chaud, bien préparé. Hein. Voilà, donc sans transition, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport & Chill, les résultats. On va commencer par pas le meilleur, mais par le pire peut-être. Donc Alex, tu vas commencer. Non pas que c'est toi le pire, mais c'est que le sport est le pire pour une fois, c'est le football. La Ligue 1 et la Coupe de la Ligue, par quoi veux-tu commencer, mon cher Alex ? Le meilleur pour les Strasbourgeois ou pour les Angevins ? Fais ton choix. Je vais commencer par la Ligue 1. Ok, d'accord. Parce que j'ai déjà une question d'ouverture sur la Coupe de la Ligue. Oula, une question d'ouverture sur la Coupe de la Ligue. Ouais, il y a les gobelets. Fatigue déjà. Ouais. Donc, dans les résultats Ligue 1 du week-end, le coup d'arrêt pour les espoirs marseillais suite au match nul, 2-2 face à Angers au Vélodrome. Mais lorsqu'on joue que 30 minutes, on ne peut espérer mieux qu'une piteuse prestation. Mm-hmm. Le podium se précise avec les victoires de Lille et de Lyon. L'OL, qui au bout du suspense, s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Rennes grâce au libérateur Martin Terrier. De leur côté, les Dogs ont fait preuve de caractère en s'imposant 3-2 à la Beaujoire face à des Nantais qui menaient pourtant 2-0, avec des buts de Léao, Pépé et Bamba. L'ineffable Mbappé délivre Paris hier soir. L'ineffable. Ouais. Face à Toulouse. Il n'y avait pas de point pour le quiz, hein, mais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'ineffable ? Parce que moi je ne sais pas. L'ineffable, c'est quelque chose que tu ne peux pas raconter. Ouais, qui est difficilement racontable, etc. Qu'on a du mal à décrire, quoi. Point Larousse, hein, sur Sport & Chill. Face à Toulouse, donc sur la pivot qui est là. Ouais, voilà, c'est ça. Sur la pelouse des Haut-Garonnais avec une petite victoire en 1-0. Les résultats pêle-mêle. Amiens-Bordeaux 0-0. Victoire 1-0 de Nice à Dijon grâce à un but de Lesmelou. Victoire ô combien importante et un petit peu surprise, il faut quand même bien l'avouer, du Stade Malherbe de Caen sur la pelouse de Louis II face à Monaco. 1-0 grâce à Crivelli. Ça va, Jules ? Pour Monaco. Ça va, ça va. Du coup, ça c'était le petit point Ligue 1, mais comme dirait notre ami Julien Cazard, il n'y a pas que le foot dans la vie. Ben là, il n'y a pas que la Ligue 1 dans la vie, il y avait aussi la Coupe de la Ligue. Et donc, cette transition a été travaillée, hein, je le sens. Ouais. Du côté de la Coupe de la Ligue, donc, c'était un Strasbourg-Guingamp, Coupe de la Ligue, donc finale un petit peu, comment dire, inédite. Match sinistre, 0-0 au bout de les 90 minutes et de la prolongation. Il fallait se le farcir, hein. Un samedi soir en plus. Ah oui, si, c'était beau. 4 tirs au but, donc à 1, victoire des Alsaciens avec le geste somptueux et délirant de Liénard qui a quand même fait une panenka en finale. Bravo à lui. Bon, il n'y a pas grand chose à dire du match. Donc, du coup, ma question d'ouverture. On retient que la série de tirs au but. Ah oui, là, c'est sûr, il n'y avait rien. Donc, du coup, c'est pensez-vous que Strasbourg fait un beau champion, un bon vainqueur pour la Coupe de la Ligue ? Et par rapport à leur saison, etc., est-ce que vous pensez que c'est mérité ? Et après, est-ce que vous pensez que ce sera un bon représentant du foot hexagonal en Coupe d'Europe, bien qu'ils ne soient pas qualifiés directement, il faudra qu'ils jouent les barrages pour être en Ligue Europa l'année prochaine ? Il y a de la route, quoi, en somme. Mais oui, moi, sur la première question, j'ai tendance à dire oui. Je sais que j'ai entendu beaucoup sur de nombreux médias dire que cette finale, justement, elle était terrible, elle faisait rêver personne, qu'on n'avait pas les équipes qu'on attendait. Moi, personnellement, c'est un avis vraiment, vraiment personnel, hein, au-delà de la qualité des joueurs, du jeu qu'on peut déployer sur le terrain. En Coupe nationale, justement, j'aime bien qu'il y ait du changement, qu'on ne voit pas toujours les mêmes équipes. Dernièrement, c'est même pas une question d'avoir les gros ou pas les gros. Il faut être clair sur cette Coupe de la Ligue, de même presque sur la Coupe de France. On avait tous les ans le Paris Saint-Germain, et même presque quel que soit l'adversaire, c'était une victoire du Paris Saint-Germain au bout. Alors déjà que cette Coupe de la Ligue ne fait pas rêver, bon, la finale malheureusement n'a pas été... Coupe de la Ligue BKT. N'a pas aidé à redorer le blason de cette compétition, parce qu'il y a eu un très mauvais 0-0, avec une pelouse très mauvaise. À Lille en plus, Lille. C'était même pas au Stade de France, ce que je trouve un petit peu regrettable pour les deux équipes quand même à arriver en finale. Donc de ce côté-là, ok. Après par contre sur le vainqueur, pour moi, au vu de sa saison, de ce qu'ils ont démontré, de leur public... sur de nombreux aspects, c'est une belle victoire pour Strasbourg. Pour moi, ils font un beau vainqueur et je suis assez content qu'il y ait eu une finale comme celle-ci. Déçu par contre du contenu, bien évidemment. Et pour ce qui est de la Coupe d'Europe, et je vous laisse continuer, par contre, effectivement, là c'est plus compliqué et je suis pas sûr que ce soit le meilleur représentant qu'on puisse avoir, mais c'était pour moi de l'évidence. Après, c'est dommage pour Guingamp, hein. C'est eux qui ont éliminé le PSG, qui ont fait le plus dur, qui ont dû servir ça à tout le monde et au final, ils perdent comme ça. Après, moi, je veux dire, sur la saison, comme tu disais, Romain, c'est un beau vainqueur, c'est beau, mais sur le match, clairement, 0-0, 4-1 penalty, Strasbourg-Guingamp, c'est la Coupe de la Ligue, c'est vrai que c'est beau, ça représente une saison, on aime bien avoir des petits clubs, le 5e qui gagne, le 4e qui gagne, c'est sympa parce que ça évite de, voilà, le premier gagne le championnat et c'est bien d'avoir un vainqueur différent, comme tu dis, de ne pas avoir le PSG. Après, sur le match même, 0-0, 4 tirs au but à 1, c'est pas une belle promotion pour la Coupe de la Ligue, ça. Ah bah, je t'avoue que j'ai pas vu le match et j'en suis plutôt satisfait, par contre, hein, au-delà de mon propos. Il n'y a toujours pas de diffuseur pour la saison 2020 jusqu'à 2024 de la Coupe de la Ligue. Ouais. Donc c'était à Canal cette année, c'est ça ? Canal et France 2 qui passent certains matchs. Et voilà. Bah, Canal, en même temps, ils n'ont plus grand-chose. Donc, Avec le sponsor.p, évidemment. C'est le classique de la Coupe de la Ligue. Est-ce que personne veut rajouter autre chose sur la Coupe de la Ligue ? Donc je pense qu'on est bon là-dessus. Un sujet qui va faire plus réagir, j'en suis sûr, c'est la Coupe d'Europe de rugby. Avec, on va parler notamment de ce match franco-français qui a tourné à l'avantage du stade toulousain. Parti. Oui, c'est parti. Moi, je vais commencer rapidement par la Champions Cup, la Challenge Cup d'abord, avec en perspective une potentielle belle finale franco-française avec le Stade Rochelais et la SM qui sont passés facilement en demi-finale, qui ne s'affronteront pas, qui recevront tous deux leur quart de finale. Donc ça sera ce sera ASM contre Harlequins et le Stade Rochelais contre les Sale Sharks. Ensuite, on va passer au plus intéressant. Alors la Challenge Cup, donc on est passé pas loin la Champions Cup, on est passé pas loin du gros poisson d'avril le 1er avril. Mais donc les Saracens s'en sont bien sortis, mais le Munster et le Leinster ont subi pendant de longues minutes et se sont imposés seulement dans les dernières minutes, 72e et 73e. Et enfin un match époustouflant aussi entre le Stade Toulousain et le Racing. Les demi-finales seront donc le Leinster qui recevra le Stade Toulousain et le Munster qui ira chez aux Saracens. Alors gros match du Stade Toulousain qui sortit les tripes contre à 14 contre une équipe du Racing. Le Racing qui a fait pchit comme ses supporters. Enfin ses supporters, je tiens à préciser, ce sont des enregistrements rediffusés dans le stade. Tu tiens pour qui déjà au rugby? Pour le Biarritz Olympique. Mais bon, pour avoir vécu la finale dans un bar toulousain, dans le quart de finale dans un bar toulousain, c'était vraiment énorme. Ensuite, je souhaite remettre mon cagoulin de la semaine à Luc Pierce, l'arbitre du match, qui est complètement sorti de son match et qui a été vraiment ridicule. Pour les deux équipes, hein, je tiens à préciser. Et mon match de la semaine, j'ai pas su me décider entre Leinster Ulster et Racing Stade Toulousain. Mais comme je suis français et comme on est pour le Stade Toulousain, ce sera le Racing Stade Toulousain. Alors ma question de la semaine, c'est qui a parti Henry pour accepter une mission aussi suicidaire que consultant du 15 de France à la Coupe du Monde? Non, je rigole, c'était un poisson d'avril. La vraie question de la semaine, c'est est-ce que le Stade Toulousain va enfin remporter un titre cette année? Je rappelle que son dernier titre en Champions Cup, c'était en 2011, et son dernier Brennus, c'était en 2012. Ça fait pas si longtemps, et aussi très longtemps à la fois pour un club au palmarès Romain, aussi énorme que le Stade. Il faut que t'arrêtes de parler, on va laisser la discussion. Ils vont pas au micro, ces messieurs, mais moi en tout cas je me suis régalé, je sais pas ce que vous en avez pensé. Du coup. Ouais, c'était un super match, moi je pense que Toulouse est armé cette année pour aller loin dans les deux compétitions. Après, le fait qu'ils aillent au Leinster, ça va être très compliqué pour moi. Je pense que le Racing aurait eu plus de chance en passant face au Leinster, vu qu'ils auraient reçu. Là, se déplacer au Leinster, là ils ont un peu de mal le Leinster, mais je pense que face à Toulouse, en poule, je crois qu'ils leur avaient mis 25 points, ça s'était mal passé. Donc ça va être compliqué pour les Toulousains. Est-ce que la clé, c'est pas de savoir justement, on en parlait nous en off aujourd'hui, d'avoir Zach Holmes pour jouer le Leinster? Certes, Toulouse a montré que sans Holmes, ils étaient en mesure de faire des grands matchs. Et on sait des fois qu'à 14, on voit des prestations étonnantes, comme ce qu'ils ont fait. Mais c'était Thomas Ramos, si je ne me trompe pas, qui a joué numéro 10 contre le Leinster. Oui. J'aime beaucoup ce joueur, mais ça avait montré ses limites. Oui, c'est sûr. Mais après, bon, face au Leinster, je pense quand même qu'il y aura un match. Moi, je pense qu'ils ont... pour moi, ils m'ont impressionné pour jouer à 14 à partir de la 30e minute, je crois. Enfin, dans ces eaux-là, c'est quand même impressionnant. Après, moi, je pense que les deux équipes ont fait un gros match. Simplement, il y a une supériorité dans le jeu, que ce soit dans le jeu des avants, dans le jeu de trois quarts, technique, de la part du Stade Toulousain. Voilà, moi, franchement, ils sont impressionnants cette saison. Je pense qu'ils ont l'effectif pour faire les deux compétitions. Lucas Tauzin a réalisé un match grandiose face au Racing, et pour moi, il commence de plus en plus à percer. Vraiment, voilà, ils ont trois équipes à minima, à tous les postes, pratiquement. Ouais. Parce que même leur centre de formation, on voit que c'est de la très très haute qualité. Non, je pense que pour moi, franchement, face au Leinster, si le Leinster n'était pas tenant du titre, je dirais qu'ils sont favoris, mais c'est du 50-50. Parce que même si c'est à la Viva Stadium, Toulouse prouve que même je les mettrais presque au-dessus, quoi. Vraiment. Ouais. Ah bah moi, j'irais peut-être pas jusque-là. J'irais 55-45 pour le Leinster, tu parles de pourcentage, avec l'avantage du terrain, avec l'expérience sur ces dernières années. Après, c'est sûr que Toulouse fait un jeu qui nous régale. Moi, la seule question que je pose et qui fait écho à ce que dit Guillaume, c'est ma petite crainte derrière cette saison, dans tous les cas, merveilleuse du Stade Toulousain, parce que ça faisait longtemps, ne serait-ce qu'avec une équipe de top 14, qu'on ne s'est pas autant régalé à avoir joué une équipe. Ouais, c'est sûr. Qui ne gagne rien. Qu'il ne gagne rien et qui est justement une saison à l'image du Racing l'année dernière. Il faut le rappeler, finale de la Champions Cup et défaite en demi-finale contre Castres Olympique. Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être. Je leur souhaite pas, bien sûr. Il faudrait peut-être qu'ils se concentrent sur une des deux, mais quand on a un effectif comme le leur. C'est difficilement possible maintenant, là où ils en sont. C'est vrai. Voilà, autant aller. Parce qu'après, il n'y a pas tant de matchs, justement, pour aller au bout. Après, ce que je rappelle, c'est qu'il reste en soi 4 matchs importants. Donc, ils sont quasiment qualifiés directement en demi-finale en top 14. Donc, il leur reste la demi-finale et la finale. Et il leur reste cette demi-finale et cette finale européenne. Donc, on a bien compris qu'en Europe, ça va être difficile, avec d'abord le Leinster et sûrement les Saracens ensuite. En championnat, qu'est-ce que vous en pensez? Dire que Montpellier leur a mis une tôle, c'est quand même incroyable. Ouais, bah avec une équipe, justement l'équipe 3 ultra remaniée, l'équipe 3 de qualité, ouais, hein, début de saison. Moi, je pense que le championnat il reste favori. Après, effectivement, le top 14 c'est tellement particulier qu'ils peuvent avoir fait un beau parcours et au final ça peut être Castres qui regagne encore. Mais cette saison, je pense quand même que, à part peut-être Clermont. Et moi, j'allais te dire, je vois pas, franchement, ils sont tellement impressionnants. Je vois pas quelle équipe, à part Clermont ou peut-être le Racing dans un match, on sait jamais. Je vois pas qui peut les battre. Alex, à part Clermont en demi-finale, parce qu'en finale, c'est l'équipe à prendre. Ah oui, c'est oui, historique, oui, bien hein, sûr, c'est sûr. Bien sûr. Moi, je prends tout de suite, tu vois, pour une équipe comme le MHR qui arrive pas en Europe, je demande l'année où on jouera la SM en finale. Hein. Faut y arriver. On n'y est pas à nouveau. Et en plus, l'ASM réalise une superbe saison. Mais oui, sur la valeur intrinsèque de cette équipe, sur ce qu'ils ont montré de cette année, clairement, Toulouse et Clermont sont les deux équipes qui, ça serait une belle qui finale. Semblent les plus armées et capables de nous faire la plus belle finale aussi en termes de jeu. Ok, pour ce point Coupe d'Europe, merci Guillaume. On va passer au point tennis. On va entendre un petit peu Tim qui est un peu discret aujourd'hui. Écoute, je suis pas un spécialiste de rugby après, tu me connais. Ouais, puis la Coupe de la Ligue, c'est pas passé. Ouais, la Coupe de la Ligue, on s'en déconne. Là, tu vas pouvoir te déchaîner quand même avec un 101ème titre, quoi. Ouais, je vais pas commencer par ça, mais on va faire un petit récap sur Miami. Il y avait le Masters 1000 cette semaine. Alors, chez les femmes, c'est Ashleigh Barty qui s'est imposée. Je vais juste rappeler les quarts de finale. Konta Veit avait battu Izzy 6-3, 2-6, 7-5. Barty avait sorti Kvitova 7-6, 3-6, 6-2. Pliskova avait sorti Vondrousova 6-3, 6-4. Alep avait battu Wang 6-4, 7-5. Avant d'être battu en demi-finale par Pliskova, l'ancienne numéro 1 mondiale, qui a un petit peu de mal en ce début de saison. Elle est en phase de rodage. Et Barty qui avait sorti Konta Veit assez facilement 6-3, 6-3. Et donc Barty qui s'impose en finale contre Pliskova 7-6, 6-3 et qui s'adjuge son premier Masters 1000 de sa carrière. C'est son premier titre majeur de sa carrière. C'est une surprise. Joueuse. Non, moi j'aurais mis une piécette sur. Enfin, pas forcément au début du tournoi, mais à partir des demi, je la voyais bien aller au bout. Ashleigh Barty, elle joue très bien en ce moment. C'est une joueuse qui est dure à jouer parce que c'est un petit gabarit, donc très mobile, qui tient bien la balle en front de court et elle avait son mot à dire. Et là, au début de saison, il y a des joueuses qui sont un petit peu en rodage. Je pense notamment à Alep, Stephens qui pour l'instant n'y arrive pas du tout, et Osaka aussi qui a beaucoup de mal depuis son titre en Grand Chelem. J'allais dire presque toutes. Ouais, voilà, ouais, au final, ouais, Serena qui n'est pas là, Azarenka qui ne revient pas. Sloane Stephens qui a déçu sur cette tournée américaine. Ouais, mais bon, quand j'ai envie de dire l'image de son début de saison, hein, je vous l'avais dit, elle est pas dedans. Et voilà, c'est bien qu'il y ait des joueuses comme ça qui en profitent. Donc, ça renouvelle un petit peu le tableau féminin. Donc ça c'est le premier point. Et justement pour une stat, aucune joueuse cette année n'a gagné plus d'un titre. Depuis début 2019. Donc, ouais, bah ça, Pliskova ça, avait ça, déjà gagné. Ça c'est pariable pour Barty. Ça symbolise ça le tennis féminin actuel. Ouais, c'est clair. Bah non. Sans que ça travaille le quiz. Hein. Avec ouais. Des anecdotes comme ça. Ouais, bah, il l'a fait. Hein. Je dirais pas quelle source médiatique m'a donné cette info. Quoi. Oh non. On est meilleur. Pour ce hein, ça va. Du coup, chez les hommes, vous le savez, hein, c'est Roger qui a gagné son 101ème titre de sa carrière, s'il vous plaît, qui a battu John Isner en finale 6-1, 6-4 et qui s'adjuge son 28ème Masters 1000, 50ème finale de Masters 1000. C'est un record en soi, c'est assez extraordinaire. Pour faire juste un petit parallèle, c'est pas le recordman des Masters 1000 parce que Djokovic a 32 et Rafa a 33, donc ça va être un record à mon avis qui n'ira pas chercher. Ouais. Parce que c'est dans la saison sur terre, ça va être compliqué. Il y aura Rafa sur sa route, Djokovic. Mais 50ème finale, c'est quand même costaud. Il n'y a plus que 12 questions dans le quiz. C'est vrai ? Ouais. Allez, hop. Oui, j'ai yeux qui étaient dégoûtés. Pour faire un résumé, mes 3 points de ce Miami. C'est Barty qui tire enfin son épingle du jeu et qui gagne là le premier majeur de sa carrière, a confirmé par la suite, mais je pense qu'elle a le tennis qualitatif pour embêter les top joueuses, donc a confirmé. Le deuxième c'est Federer qui est tel Benjamin Button, rajeuni avec le temps. Il a survolé ce Miami, il vole sur le court, c'est incroyable. Non, sans déconner, je sais pas si vous avez vu des hot shots, mais c'est ce qu'il propose à la volée là, c'est juste une leçon. Il y a eu un gros point contre au filet contre je sais plus quel était le joueur, en quart ou en il y en a, il a ouais. Pour moi celle qui ressort c'est celle qui fait contre Chapovalov où il lui fait un revers croisé, 9 joueurs sur 10 ils prennent un passing et il tend le bras comme ça et met une volée amortie. C'est juste incroyable. Et mon troisième point, c'est une caractéristique de ce Miami qui, je pense, va se confirmer par la suite, c'est que la next-gen commence vraiment à prendre les commandes. En quart de finale, il y avait Chapovalov, Félix Auger-Aliassim, dont on avait parlé en début d'année, Tiafoe et Coric, à moindre mesure, parce qu'il a 2 ans de plus, mais mine de rien, 4 joueurs qui ont moins de 25 ans et qui s'installent, qui commencent à confirmer, qui commencent à embêter les grands joueurs et à confirmer, mais je pense qu'on risque de voir un rajeunissement du circuit. Mmh. C'est-à-dire que de voir ce type de finale entre Isner et Federer qui sont deux trentenaires, ça va arriver sans doute de moins en moins souvent et on risque de voir des jeunes un petit peu émerger. Donc okay. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai, pas de réaction sur le tennis sur ce tournoi de Miami. Bah, Excepté la, autour de la table, il n'y a que des Tenix. Hein, ouais. Il n'y avait pas un nouveau stade à Miami ? Si, ouais, une nouvelle arena. Ouais. Bon, allez, moi, superbe. Hein. J'ai su qu'il y avait un peu d'affluence tout de même dans la semaine par rapport à d'autres tournois. Les Américains, comment tu es première puissance économique mondiale, ça bosse. Par rapport à Indian Wells, par exemple. Charbonne, les poulets. Par rapport à Indian Wells, par exemple. Ouais, par rapport à Indian Wells, ouais. Bon, après, sûrement, Miami, sûrement plus furie de basket à Miami que de tennis. Le truc, c'est qu'à Indian Wells, il y a vraiment que ça à faire, alors qu'à Miami, ouais. C'est une ville fourmillante. Mais ils n'ont pas investi dans ce. Enfin, un Tenix, hein. Comme tu m'avais appelé, et comme j'ai appelé les Rugbyx aussi. Ils n'ont pas mis un gros investissement, justement, pour upgrade ce tournoi et en faire quelque chose de plus fort qu'Indian Wells. Bah, je pense qu'ils ont surtout voulu rénover l'agencement de l'arène pour que ce soit un petit peu plus moderne, avec un système où les spectateurs sont plus proches des joueurs. Bon, en soi, c'est bien pour le spectacle. Après, en termes d'affluence, normalement, ça reste un Masters 1000. On est aux États-Unis, c'est une terre de tennis, donc il n'y a pas de carence là-dessus. En tout cas, clairement, ils ont eu tout pour se régaler cette semaine, parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a eu des beaux matchs. Il y a eu des beaux matchs, il y a eu des belles affiches, la Next Gen qui marque des points sur cette semaine, qui a vraiment été à la hauteur avec deux demi-finalistes notamment. John Isner, qui était le vainqueur sortant, c'est pas toujours le cas. Qui refait finale quand même. C'est solide, ouais. On a un Américain en plus, donc c'était forcément pour les ravir. Et puis Roger Federer qui récite son tennis tout le long du tournoi. Tout à fait. Et ça me permet juste de glisser que Djokovic s'est une nouvelle fois fait sortir par Batista Agut et il a un petit peu de mal aussi depuis son titre à l'Open Australie. Il n'arrive pas à enchaîner, ouais. Ouais. Ok, pour ce petit point tennis, merci Tim, on va passer au sport mécanique et là il y a aussi ce qu'il faut. Je vais commencer avec la MotoGP car il n'y a eu aucun suspense dimanche lors du Grand Prix d'Argentine, une course archi dominée par le quintuple champion du monde MotoGP Marc Marquez, donc qui a profité pour prendre la tête du championnat. Parti en pole position, l'Espagnol mena donc chaque virage sur sa Honda, se détachant irrésistiblement à chaque tour. Cette échappée en solitaire déplace l'intérêt de la course, notamment dans la lutte pour la deuxième place. Et donc celle-ci fut âpre donc entre Valentino Rossi sur Yamaha, évidemment, et Andrea Dovizioso sur Ducati. Le docteur laissa d'abord parler la puissance supérieure de la Ducati jusqu'au dernier tour. Il porta l'estocade dans la partie sinueuse un peu du circuit. Rossi donc resté sur une série de 10 courses sans podium tout de même. Et troisième, Dovizioso pointe désormais à 4 points de Marquez au classement des pilotes. En ce qui concerne les Français, le jeune Français Fabio Quartararo, désolé pour le mal le prononcer, a fini. C'était bon. A fini dans les points avec une belle 8e place, tandis que Juan Zarco ne cesse de souffrir tout de même cette année avec la KTM qui est pas au top des autres motos. Ouais, il a du mal visiblement à s'habituer. 15e place pour Juan Zarco. Avant, il n'avait pas une écurie derrière lui. On aurait pu penser que justement ça serait déclic. On verra sur la suite de la saison. Pour le moment, il a un peu de difficulté. Ouais, je pense que même il y aura la difficulté sur l'ensemble de la saison. Sur la saison, ça c'est un autre qui va assumer aussi. Donc après, peut-être le pilotage en pâtit un peu. Ouais, clairement. Sur le WRC de Corse, donc le rallye, c'est le pilote Hyundai Thierry Neuville qui a profité de la crevaison de Elfyn Evans chez Ford dans la dernière spéciale pour décrocher son premier succès de la saison et prendre la tête du championnat. Evans partait pourtant pour une belle victoire avant de heurter une pierre au tout début de l'ultime chrono du week-end. Evans finira même troisième derrière donc le Belge Neuville et le Français Sébastien Ogier. Au classement d'ailleurs, c'est Neuville qui est premier et derrière Sébastien Ogier. Et en Formule 1, évidemment, Lewis Hamilton, Mercedes, a remporté le GP de Bahreïn ce dimanche devant son coéquipier Valtteri Bottas. Charles Leclerc, chez Ferrari, était parti en pole, et longtemps en tête d'ailleurs, et n'a pris que la 3e place à cause d'un problème moteur. D'ailleurs, c'est ce qui a caractérisé un peu le GP de Ferrari ce week-end. Pourtant, il a fait une course plutôt remarquable d'ailleurs. Franchement, ouais, parce que il prend la tête de la course. Finalement, il se fait doubler par Vettel. Il arrive à reprendre la tête avec brio. Il fait un très beau dépassement. Et après, il est tout simplement victime d'un problème mécanique. Problème de récupération d'énergie. Il est complètement indépendant de sa volonté en fait. À 10 tours de la fin, il me semble que ça lui arrive. 11 tours, ouais. Il reste 47, 11 tours où il est. 11 tours, il est un peu. Il avait plus de 10 secondes d'avance sur Hamilton. Oui, s'il n'y aurait pas eu ce problème, c'était. Non, ça aurait été son premier titre. C'est dur pour lui. Non, mais je voulais dire, je me rappelle l'année dernière, ou c'est la fin de l'année, quand on a fait le quiz, il y avait une question, on se disait est-ce qu'un Français va enfin gagner en F1 ? Et je pense que ça va arriver. Moi, je me rappelle que j'avais dit qu'on va gagner parce qu'on est chez Ferrari et Red Bull et on a beaucoup de chances de gagner. Et j'ai l'impression que ça va vraiment arriver et que ça risque d'arriver très très rapidement parce que bon, il a fini troisième, comme on dit, il aurait dû finir premier. Ça va revenir quoi. Même, si dans, il... même si dans les stats ça, tient, ça, ça comptera pas pour le palmarès français, malheureusement, il faudra attendre Pierre Gasly. Il tient beaucoup à sa nationalité monégasque par contre. Ouais, ouais, il en parle beaucoup. Ah ouais, il en parle beaucoup. Ouais. Et ouais, ouais, après c'est. Bon, ils sont en Ligue 1, ça va. On a un amateur de l'AS Monaco. Non, au final, Leclerc il est sauvé pour sa place sur le podium par la safety car juste à la fin, sinon, sinon les deux Renault lui passent devant. Ouais, ouais. Oui, mais d'ailleurs, c'est un moindre mal parce qu'il a largement mérité. Je pense qu'il va prendre la première place au niveau en scène d'écurie à Vettel. Ah ouais, comment ça se pose des questions chez Ferrari. Ouais, ouais, non, d'ailleurs, parles de Vettel, il était passé en tête au premier virage après un très bon départ. Et pourtant, il est même pas sur le podium. Il était à la lutte avec Hamilton à plusieurs reprises, donc lors de ce GP, et alors que son coéquipier, donc Charles Leclerc, avait repris la tête, l'Allemand donc a commis sa première grosse erreur de la saison, donc ce week-end, au 38e tour dans le virage 4, en essayant de résister à une nouvelle attaque du pilote Mercedes Hamilton. Le quadruple champion du monde est parti en tête à queue, quasiment tout seul. Oui, il a fini tout seul. Un incident qui a abîmé donc ses pneus et a provoqué d'intenses vibrations. D'ailleurs, c'était assez impressionnant à voir à la télé. Il est ressorti 9e de ça et il termine la course 5e. Il perd donc de gros points dans la lutte pour le titre. Déjà, surtout que Mercedes déjà final, en début d'année. Il a fait 1 et 2. Donc, là, déjà, classement constructeur, ça fait. Ça fait au premier Grand Prix, c'était à l'inverse. Bottas premier, Hamilton le deuxième. Donc là, ils prennent déjà de l'avance. Alors que la voiture, à l'image des qualifs, ne s'est pas montrée supérieure. Et Lewis Hamilton lui-même, quand on l'entend parler après sa victoire à son équipe, alors il y a aussi une petite part de com, mais il met la pression sur ce sujet en disant qu'il risque de souffrir face à la Ferrari cette année. La preuve, Leclerc a signé le meilleur tour. Leclerc, quoi. Il récupère le point bonus pour le meilleur tour, il fait pole position. C'était quand même difficile pour une première position, pole position en carrière, d'aller chercher une victoire. Il s'est montré tout à fait à la hauteur et je suis sûr que cette saison il ira en chercher. Oui, il la remportera, c'est sûr. Au minimum même. Très bien. On lui souhaite. Ok, on va rajouter sur la Formule 1, sur ce GP de Bahreïn. On va terminer avec le dernier sport, c'est le cyclisme romain. Il y avait deux, pas des gros monuments comme on a connu la semaine dernière, mais deux courses importantes tout de même. Ça reviendra la semaine prochaine, mais effectivement, c'est le début réellement des classiques belges avec les Flandriennes. Deux courses, effectivement, qui ont leur importance. Tout d'abord, le GP E3, qui a été remporté par le Tchèque Zdeněk Stybar, très en forme en ce moment, qui avait déjà remporté plutôt la saison le Het Nieuwsblad, habitué de ce type de course. Il s'est imposé devant Wout van Aert, qui est une des sensations depuis la saison dernière, jeune belge, ancien champion du monde de cyclocross. Très belle course, très intéressante ce GP E3, et où on a vu des premières tendances dans la perspective de la suite de cette saison et des classiques flandriennes, et qui a montré encore une fois, et j'y reviendrai dans ma question, la supériorité sur ce type de course de l'équipe de Sunink Quick-Step. Dans la seconde course, qui est encore plus importante de cette semaine des classiques belges, c'était hier avec Gent-Wevelgem, première des trois flandriennes, qui sera suivie par deux monuments, le Tour des Flandres la semaine prochaine et Paris-Roubaix dans deux semaines, et qui a vu une victoire d'un coureur que j'attendais pas forcément sur cette édition, Alexander Kristoff, de l'équipe des Émirats UAE, qui s'est imposé, qui a couru de manière très intelligente pour un sprinter, sachant qu'il s'est détaché dans le final, avant le Mont Kemmel, où il a senti peut-être que la course allait tourner, alors que Peter Sagan, assez tôt dans la course, avec un groupe de favoris très intéressants, il y avait également le champion d'Europe Matteo Trentin, avait secoué la course, coup de poker perdant finalement pour Peter Sagan, repris lui déjà trois fois vainqueur de l'épreuve, repris seulement à 18 km de l'arrivée, et Alexander Kristoff, dans un peloton réduit sur ce Gent-Wevelgem, est parvenu à s'imposer assez aisément devant deux coureurs, et notamment un coureur sur le podium une nouvelle fois et qu'on attend peut-être vainqueur sur une de ces Flandriennes, le coureur d'AG2R la mondiale dont on avait déjà parlé, Oliver Nassen. Une question justement que je voulais vous... Qui est belge, qui est flamand. Belge. Flamand en l'occurrence, mais qui court dans une équipe française et qui est équipier d'un certain Romain Bardet, dont sur lequel je reviendrai juste après avoir fini sur cette course et avant notre pause musicale. Question donc que je voulais vous poser sur l'équipe de Koenig Quick-Step. Croyez-vous que les Belges de cette équipe seront imbattables lors du Tour des Flandres, ou justement au vu du scénario de la course, de la performance d'Alexander Kristoff, qui sont piégeables et qui peuvent tout à fait se faire battre sur le prochain Tour des Flandres? Je pense qu'ils sont ultra favoris, mais qu'ils peuvent tout à fait, enfin, se faire piéger. Je sais pas si le mot pied, le verbe piéger est le bon terme. Non, non, même pas. Ça peut aller vite. C'est. Non, je pas. Disons qu'ils peuvent surprendre. Je vais sur synonyme. Ils peuvent se faire surprendre, mais après, évidemment, qu'ils peuvent, perdre. Après, c'est effectivement l'équipe favorite. C'est l'équipe qui est bâtie pour ça. Donc, mais moi, je pense qu'il peut y avoir une surprise. Après, c'est du 1 contre 100, quoi. Et si oui, par qui, à votre avis? On a cité des coureurs. Moi, sur le podium, là, on avait Degen Kolb, Nessun, il y a Peter Sagan. Moi, j'aurais dit Sagan et Nessun, ouais. Après, Christophe, il a fait un petit truc, mais... Ouais, Degen Kolb aussi. Ouais, Degen Kolb, ouais, il peut y aller le faire. Peut-être Van Avermaet. Philippe ne sera pas présent sur le Tour des Flandres. Van Avermaet, il y est. D'accord. Van Avermaet, sans doute, mais pour le moment, qui ne s'est pas montré tant à la hauteur. Après, non, mais il peut faire un truc après. Hein. Une sensation, justement, de c'est quoi issu du cyclocross, de vous y croyez. On voit que Stibar est très en forme. Bon, ça, c'est pour Quickstep. Mais Van Aert, Van Der Poel, qu'on apprend à découvrir, ou est-ce justement un petit peu tôt pour eux, contrairement au nom que vous venez de citer? Bon, non, je pense que c'est jamais trop tôt pour gagner. Après, effectivement, ils vont manquer un peu d'expérience, moi, je pense. Ouais, ils vont manquer un petit peu. Mais après, ils vont manquer d'expérience, et il y a aussi quand même l'équipe, parce que la Quickstep, c'est quand même toute l'équipe, quoi. Il n'y a pas un coureur faible, c'est la Sky pour les classiques. C'est quoi. Une armada, ils pourraient tous être leaders. Ouais, c'est ça, donc c'est là où c'est en fait. Ouais, c'est ça, c'est la Harlem Globetrotters des classiques. Donc vraiment, non, ils sont favoris. Après, on sait jamais, hein, il peut y avoir des surprises. Après, moi, je veux juste rajouter que c'est des courses de pavés et c'est super indécis. On en a vu des favoris, hein, des Tom Boonen, des Fabian Cancellara, des Peter Sagan. Qui revient. Tom Boonen qui participe. Qui revient pour Paris-Roubaix. Info en exclusivité. Et voilà, mais c'est une course tellement imprévisible que même avec la meilleure équipe, même une équipe Sky qui maîtrise son sujet, c'est pas comme un Tour de France où tu gères tes watts. C'est là, si t'as une crevaison, une chute, une attaque, une cassure. Ah ben c'est tellement sûr, imprévisible. C'est une attaque sur le vélo, ça va être compliqué pour tirer. Mais là, c'est du vrai vélo. Merci. Là, on est sur du vrai vélo. C'est l'homme qui va jouer ou c'est la chance, etc. Moi, je vois pas un sur 100. Moi, je vois que la Quickstep, c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe. Ils gagnent tout, mais ils gagnent tout parce qu'ils ratissent large. Là, c'est sur une course très précise. Et pour moi, c'est on peut pas dire 50-50 parce que tout le monde a sa chance et je vois pas la Quickstep plus gagner que les autres sur cette course. On, effectivement, en tout cas, c'est la densité et le caractère imprévisible de la course. Cyclistes de la Quickstep, si tu as en tête. Sur la prochaine édition, qui risque d'être favori, Philippe Gilbert, bien sûr, qui a déjà emporté. Denek Stibar, très en forme. Éventuellement, le champion de Belgique, Yves Lampaert. Est-ce que j'en oublie un? Je ne suis pas sûr. On a fait à peu près le tour, sachant que... Il y a Nikita Terpstra aussi qui pourrait être un... Et Nikita Terpstra, justement, on peut y penser, qui, cette année, sera dans une équipe française. Donc comme Nessun, à défaut de voir si on aura un Français qui sera capable de briller ce week-end, on peut avoir en tout cas des sensations dans des équipes françaises. Après, Nessun et Terpstra ont des références. Le problème de Nessun, c'est qu'il doit se débrouiller un peu plus tout seul que les autres. C'est là la différence avec la Quickstep aussi. Ouais, même s'il le fait fort bien jusque là. Dernière remarque du coup pour terminer la rubrique, parce qu'elle est côté français, Miguel Angel Lopez a remporté le Tour de Catalogne. Guillaume le sait, il a été bloqué par le Tour de Catalogne, il me l'a raconté avant l'émission. Et malheureusement, chute pour deux de nos français, notamment sur les courses par étapes, Romain Bardet et Warren Barguil. J'espère, comme vous, je pense que ça ne mettra pas en difficulté leur saison, leur préparation pour le Tour de France, notamment pour Romain Bardet, un autre coureur à G2R. On parlait à G2R ce soir. Très bien, merci Romain pour ce point cyclisme. On passe non pas à la pause musicale, mais au sport Montpellier, tout de suite. Sport and Chill, le sport Montpellier. Et je vais commencer avec les quelques résultats en bref. Je vais commencer avec le BLMA. En championnat, il y avait victoire donc hier 74-69 des Gazelles donc face à Tarbes. Pour l'avant-dernière journée de championnat de LFB, les Gazelles sont qualifiées évidemment pour les playoffs. Pas de souci là-dessus. C'est surtout en Coupe d'Europe qu'il y a des belles performances. Après donc une victoire de 3 points à l'extérieur, 69-66 décrochée en Catalogne. Il y a environ une semaine, les Gazelles ont pu bénéficier du soutien de leur public. Donc c'était à guichet fermé. Évidemment, pour se donner le droit d'affronter Orenbourg mercredi prochain en Russie à l'occasion de la finale aller de cette Eurocup Women. La victoire donc en demi-finale est sans conteste avec 98-69. Assez rare quand même de voir un score aussi haut en basket féminin. Une belle raclée. Ouais, une belle raclée là, donc face aux Espagnols, c'était à Latte, face évidemment. Face aux Catalans de Gérone. Face aux Espagnols, j'y tiens d'ailleurs. Décidément, avec les Flamands et les Flamands et les Catalans. Hein. Mais c'est à Gérone. On a la dépendance en l'air. Hein. Mais moi, ça me va très bien. Les Gazelles donc peuvent aller chercher une première Coupe d'Europe au club de Latte Montpellier. A noter aussi qu'on a su aujourd'hui un transfert, celui de la superstar américaine Brittney Griner, médaillée d'or au championnat du monde 2014-2016 et surtout championne olympique en 2016. Donc encore c'est sympa ça pour le rayonnement médiatique, c'est sympa. Encore une belle recrue du côté du BLMA. Surtout pour là cette année, on espère que ça va pas faire non plus comme peut-être le Stade Toulousain avec une année blanche et au final une grosse année comme tout de même. On espère qu'ils vont moins gagner soit l'Eurocup soit le championnat. Ouais, l'un des deux. Et ouais. Encore mieux les deux. Ouais. Surtout que de la même manière qu'on le disait pour le Stade Toulousain, ils ont l'effectif pour. Ah oui, clairement. Clairement. Et elles ont fait plein de belles performances. Je pense que si pour ce club montpelliérain, il n'y a pas de titre cette année, ce sera quand même une grosse déception. Ouais, je pense qu'en équipe féminine montpelliéraine, c'est la meilleure cette saison, hein, sans problème. Avec, ouais, avec le MHR féminin, mais c'est un peu la force de l'habitude maintenant. Ouais. Tu disais, Michel. Ouais. Et surtout, un gros avantage de recevoir au retour le 10 avril. Ouais, ouais, c'est clair. C'est les places sont en vente à 20€, prix unique. Voilà. Je fais un peu la promotion. C'est bien dommage d'ailleurs qu'ils puissent. Bon, après, elles sont chez elles du coup, mais c'est bien dommage qu'on puisse pas jouer dans un plus gros. Mmh. Peut-être pas à Bougnol, mais peut-être à l'Arena, ça aurait été bien cool. Beau, ouais. À l'Arena, ouais. Mais ça coûte cher du coup. Et après, ouais, non, moi ça m'aurait fait plaisir, mais comme tu le dis, peut-être que pour elles, ce serait pas forcément la meilleure des nouvelles. Ça pourrait peut-être être déstabiliser. Ouais, c'est clair. Mais bon, pour les supporters, ce serait souhaitable. En parlant de sport féminin, toujours le MRC, vous venez d'en parler. Victoire 39-14 des Coccinelles face à Lons Béarn pour le compte de la 12e journée d'élite. Donc, sauf cataclysme, le MRC finira premier de son groupe d'élite. La qualification pour les playoffs étant déjà assurée depuis un petit moment. À noter d'ailleurs que dans l'autre groupe, on connaît le Stade Toulousain est premier également du groupe B d'élite. Et à savoir que les ultra favorites de ces dernières années qui étaient aussi Villeneuve d'Ascq, Lille sont très mal classés et je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais je peux vous le dire, elles ont perdu leurs deux seules joueuses qui savaient jouer au rugby. Non, je vais un peu trop loin. Ouais, elles ont dû perdre beaucoup de monde. Elles ont perdu Romane et Morgane Ménager qui ont signé à Montpellier. Et donc ça fait l'équipe de France. Voilà, donc ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'elles sont plus en difficulté cette année. Et le Stade Toulousain qui était en finale contre. Contre le, on appelle ça le MRC, ouais, ou le MHR féminin. Le MHR féminin, l'année dernière, donc c'est tout à fait logique cette saison et pas d'énormes surprises, je pense. Non, et même, ouais, c'est un championnat de vitesse. Hein. Ils ont voulu étoffer un peu la première division. Ça fait que du coup, les grosses écuries se baladent contre les plus petites. Ça fait beaucoup de turnover. Au final, la seule vraie affiche là, sur la phase retour, ça sera Montpellier-Blagnac. Qui arrive la semaine prochaine pour se tester. Mais c'est vrai qu'avec cette réforme, on peut espérer que le rugby féminin français progresse dans l'avenir, mais c'est vrai que à court terme, là, ouais. Montpellier va se balader, je pense. On va passer aussi au MMF, victoire 4-0 du Montpellier Méditerranée Futsal. Rien à voir avec le MEDEF. Non. Et Dimitri Medvedev. Voilà. T'en as une autre? C'est non. Ça vient pas. Donc victoire face à Martel Caluire. Voilà. En déplacement de D2 Futsal, Montpellier est toujours premier, mais Toulouse, les deuxièmes, sont toujours un point derrière, mais avec un match en moins toujours, qu'ils joueront ce week-end. Il reste deux matchs pour Montpellier, dont le plus important dans deux semaines, à domicile, face à ces mêmes Toulousains. Celui qui gagnera sera. Derby d'Occitanie. Montera en première division. Donc Montpellier doit impérativement gagner, parce que je pense pas que Toulouse perdra son match de retard. Donc oui. Montpellier sera sûrement derrière à l'aube de ce match. Donc ça sera victoire ou rien. Ça sera dans environ deux semaines. C'est le 20 avril. Il y a des gros rendez-vous pour les clubs montpelliérains à venir. Ouais, en effet. Le MHB s'est imposé de justesse dans le Nord 23-22 contre Dunkerque. Vincent Gérard qui était dans un bon jour, cette fois-ci avec environ 40% d'arrêt, avant de flancher face à l'ailier droit de Dunkerque et de commettre une faute qui lui vaut carton rouge vers la 40e minute. Le MHB sauvé encore une fois par son duo Porte et Richardson avec 14 buts sur AE2 sur les 23 buts marqués de Montpellier. Ah oui, ouais. Donc c'est 70% des buts. C'est costaud. Hein. Ouais. Les Montpellierains conservent et confortent leur troisième place au classement. vraiment une saison blanche pour le moment, sauf on va dire le trophée des champions qu'ils ont gagné au début, mais bon, c'est pas grand chose. Avec un club là cette année quand même un peu en transition, il restera que la Coupe de France à aller chercher. Et un petit point de départ après le départ acté de l'année prochaine de Mika Guigou, évidemment vers l'USAM Nîmes, c'est l'autre joueur emblématique du MHB qui s'en va en la personne de Vid Kafnitnic, le Slovène qui sera transféré à Aix-en-Provence pour l'année prochaine. À noter que Vincent Girard s'en va également, mais c'était pour le PSG Hand, mais c'était prévu depuis déjà plusieurs années. Voilà pour le MHB, et un petit focus pour terminer sur le MWP, le waterpolo, qui s'est incliné ce week-end 17-12 contre Noisy-le-Sec, mais sans réelles conséquences. En effet, donc le MWP est déjà qualifié en play-off, car il figure dans les 6 premiers, ce que tu m'as dit. C'est ça, Jules. Cette année, nouvelle réforme, c'est que comme en top 14, les deux premiers sont qualifiés directement pour les demi, alors qu'on a le troisième qui jouera le sixième en barrage, et le quatrième le cinquième. Ouais, donc Montpellier pour l'instant devrait prendre Noisy-le-Sec, car ils sont quatrième et Noisy cinquième. Ça peut encore bouger. Contre le club qu'ils ont perdu ce week-end. Voilà pour le water polo. J'avais fait un gros truc, mais je savais pas que ça avait changé parce qu'ils changent, ils changent souvent. Normalement, c'était les quatre premiers qui devaient être qualifiés. C'est tout récent. Ils ont aussi une nouvelle réforme pour améliorer le niveau du water polo français avec les espoirs aussi, et du coup. Plus de compétitivité, on espère, à l'avenir. Il reste qu'une rencontre pour le MWP la semaine prochaine, donc face à Reims qui est avant-dernier. À noter seulement une triste anecdote entre guillemets de nos voisins sétois avec 0 points en 17 matchs. Et donc ça va mal autant au waterpolo qu'au volley. Les rimaces pour les sétois. Ouais, ça, même au volley, c'est pareil. Alors que c'est aussi une institution historique du waterpolo. Ouais. Donc, ouais, c'est. Au final, ils vont se rabattre sur les joutes, quoi. Ouais, ça sera plus grand chose que gagner la 100. Même les joutes sont derniers. Pour un joueur de waterpolo, c'est se dur. Mettre aux joutes dans le tournoi des lourds le lundi, c'est compliqué, quoi. C'est parfois des frontiers qui gagnent les joutes, donc moi. C'est vrai. On n'est pas là, vas-y, hein, donc bon, c'est vraiment compliqué plus pour ça. Et un bon joueur à 7. Voilà, c'est tout pour ce. Surtout pour. C'est tout pour le résultat Montpellier-Rhin. On va passer à notre première pause musicale avant d'accueillir un autre sport Montpellier-Rhin, c'est les Montpellier Vipers. Mon cher Tim, tu nous as concocté. Qu'est-ce que tu nous as concocté suite, là, les Vipers, c'est une sorte de bande-annonce, quoi, finalement. Oui, tout à fait. On sera en live vidéo tout de suite après. Ce sera Clément Bazin pour cette. C'est ça, Roméo. Je ne parle pas de Roméo Elvis. Ah, ni allez. De Elvis Presley. Allez, à tout de suite. J'arrête. You know, I went on a couple dates and all that stuff. And I went away from it thinking, you know, I still have a lot of time. I don't need love, so what? I don't need love, had enough. I don't need I don't need love. retour sur Sport & Chill. C'était Clément Bazin avec le titre Roméo. On va passer tout de suite à l'interview. Sport & Chill, l'interview. L'interview Chill. Et ce soir, nous recevrons des représentants, entre guillemets, des Montpellier Vipers. Nous sommes très heureux de recevoir Stéphane Gros et Arthur Montenoise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous présenter un petit peu, hein, vous me dites hein, si ici il y a des erreurs. Donc Stéphane, ancien joueur de hockey qui évoluait en position de défenseur, passé par Chamonix, c'est important. Hein. votre club formateur ou encore par Grenoble, Saint-Gervais, Megève et surtout les Pingouins de Morzine. Vous finissez votre carrière en pro en 2004 dans ce club pour y être ensuite entraîneur. Vous allez d'ailleurs jusqu'en finale de Ligue Magnus en 2007. Vous passez par les Chamois de Chamonix en 2009 qui se nomment maintenant les Pionniers de Chamonix, puis en 2018, vous arrivez dans le plus beau club de France, hein, le Montpellier Vipers. Bien évidemment. Évidemment. C'est un peu ça. Arthur, donc jeune joueur de 22 ans. C'est ça. Également défenseur, vous avez commencé donc en junior à Amiens, puis passé par Dijon pour parfaire un peu votre formation. Vous êtes déjà passé par plusieurs clubs, donc Grenoble et Nice. Et enfin, en 2018, en même temps que votre entraîneur, vous êtes à l'apogée de votre carrière en arrivant à Montpellier. Pas de parti pris, évidemment. Et enfin, signaler que vous avez déjà joué plusieurs matchs chez les Bleuets. C'est ça, ouais. Voilà, ouais, équipe de France. Équipe junior. Petite question, tout rapidement, Montpellier, venir à Montpellier, c'est pour le soleil ou le hockey, ou un peu des deux? Non, c'est avant tout un projet sportif auquel on adhère. Après, évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a des projets sportifs qui sont dans certains endroits où on ne les regarde pas. Mmh. Effectivement, venir ici à Montpellier, c'est un cadre de vie qui est assez exceptionnel, même si on m'a vendu beaucoup de soleil quand on a passé l'automne sous la pluie. Et le vent. C'est vrai, c'est souvent comme ça. Donc voilà, mais non, oui, c'est un bel endroit, mais je pense qu'il y a aussi un vrai club de hockey ici qui veut vraiment se structurer au niveau des jeunes, et on a une patinoire qui est magnifique, je trouve, où il y a en plus du monde qui vient au match, et c'est important. D'ailleurs, cette petite présentation de l'interview, on va commencer un peu avec des généralités sur le hockey sur glace avant de passer évidemment au gros de l'interview, les Montpellier Vipers, et un peu parler de vous aussi également. Quels sont les postes, un peu pour présenter à nos auditeurs, quels sont les postes hockey sur glace? Est-ce qu'il y a des spécificités à certains postes, avoir plus de rapidité que d'autres postes, ou est-ce qu'il y a des tactiques aussi plus défensives à avoir, hein? Quel est un peu, pour situer un peu pour nos auditeurs? Oui, il y a beaucoup de spécificités dans le hockey sur glace. On a déjà trois postes très distincts qui sont le gardien de but, le défenseur et l'attaquant. Ensuite, on joue toujours à 5 contre 5, plus un gardien de but. Donc, 3 attaquants et 2 défenseurs. Donc, après, il y a effectivement des spécificités quand on est défenseur ou quand on est attaquant. On ne demande pas les mêmes choses. Et ensuite, après, dans chaque poste, que ce soit le défenseur ou l'attaquant, on demande aussi des choses différemment, comme un petit peu dans le football, vu que c'est ce qu'on connaît le mieux en France et ici aussi à Montpellier. On va avoir un avant-centre qui va être le distributeur du jeu. On va avoir celui qui va travailler un petit peu plus fort défensivement, même au niveau des attaquants. Est-ce qu'il y a des tactiques offensives, défensives? Est-ce qu'il y a des clubs qui sont connus pour être caractérisés comme défensifs? Et quel est le cas un peu des Vipers dans cette tactique-là? Là, je laisserai répondre. Hein. Merci Arthur. Oui, il y a toujours des schémas de jeu qui sont différents. Alors c'est souvent l'entraîneur qui dicte son schéma de jeu, mais aussi il s'adapte évidemment à la qualité des joueurs qu'il a dans son effectif. On peut avoir des équipes qui sont très porté sur l'offensif parce que le collectif est porté sur l'offensif et les caractéristiques principaux de tous les joueurs sont plus l'offensif. Mais on essaie, quand on construit une équipe, évidemment, d'avoir une alchimie dans tout ça. Être homogène. Être très homogène. Et on doit être capable de défendre comme on doit être capable d'attaquer. Et après, évidemment, c'est tous des schémas de jeu qui sont mis en place suivant les situations, suivant les matchs, suivant l'adversaire. On essaie de s'organiser toujours par rapport à ça. D'ailleurs, quelles sont les qualités pour être un bon hockeyeur, autant mental que même physique? Quelles sont les qualités pour toi, Arthur? Je pense c'est avoir déjà un bon état d'esprit, voilà, qui met toujours en avant le groupe. On est dans un sport collectif, on côtoie des gens, on va dire, tous les jours de l'année. Mmh. C'est une chose la plus importante. mais aussi avoir une gestion du stress importante. On est quand même, on subit des matchs ou même des compétitions où on nous demande quand même toujours de garder notre concentration. On représente quand même toujours un club ou même parfois plus. Et on a toujours des résultats, des comptes à rendre, je dirais, mais on doit toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est sûr que certaines challenges, vous faites des finales ou même la situation de Montpellier cette année, il y a quand même un enjeu au bout, rester dans la D1, la deuxième division française. C'est quand même, c'est des situations qui sont stressantes où tout le monde doit donner le maximum et avoir faire face à ce genre d'expérience, c'est quand même assez important. Après, il y a l'hygiène de vie aussi, c'est important pour un sportif, de toute façon dans tous les sports. Hein. Comme dans beaucoup de sports, on a reçu beaucoup d'invités qui nous disaient que quand même l'aspect mental était quand même vraiment très important aussi. Ouais, c'est comme tous les sports. Hein. Nous, ouais. On a un préparateur mental qui nous suit, qui est diététicien en même temps. Donc voilà, ceux qui ont des problèmes, que ce soit au niveau mental ou enfin des problèmes, on va dire ça entre guillemets, hein, parce que personne n'a de problème, mais on peut aider personnes. Ils réagissent pas à la même manière au stress. Ou même par rapport à au suivi nutritionnel, etc. Chaque personne est différente. Après être professionnel, c'est de mettre tout en sa faveur pour être le plus performant possible. Parce que, le sport, ça joue sur la glace, mais ça joue aussi en dehors. On peut parler du sommeil ou la nutrition. C'est quelque chose de super important, on va dire les 3-4 jours avant le match. Et du coup, vous avez dit que vous voyez tous les jours. Quelle est la journée type d'un bon hockeyeur? Un hockeyeur montpellier. Donc un bon hockeyeur. Bien évidemment. Nous, pour notre part, on s'entraîne tous les matins à 8h, enfin par le mercredi. C'est un réveil, ça dépend. Chacun va se réveiller à l'heure qu'il veut, bien sûr. On doit arriver vers 7h, 7h15 au vestiaire. C'est le plus tôt possible quand même pour se réveiller. Et c'est une petite discussion, on prend notre temps de se réveiller, etc. On discute entre nous, on s'équipe, on s'entraîne. Et ensuite, après, on a un partenariat avec la salle Le Nuage, qui est vers Port-Marianne. Donc après, on a libre accès à la salle pour ceux qui le veulent. Ou on peut faire aussi la muscu, on a une salle à côté, une salle pour faire un peu, du circuit training pour ceux qui le veulent. En moyenne, c'est combien de temps par jour, hein? La glace, elle dure entre 1h et 1h15. Début de semaine, on va avoir des entraînements qui sont un peu plus longs, un peu plus durs, ce qui est normal. Et à fin de semaine, on va être plus d'entraînements plus courts, mais un peu plus de jeu pour préparer le match en fonction de l'adversaire aussi qu'on va rencontrer le week-end. D'accord. Et justement, jouer au hockey et travailler, est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous aussi vous touchez un salaire ou une prime? Et sans vraiment connaître le salaire, c'est pas ça qui nous intéresse, mais est-ce que ça subvient à vos besoins? Pour ma part, moi je travaille pas, j'en ai pas besoin. Puis en même temps, je fais des études, donc c'est pas compatible. Je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question si le hockey et travailler en même temps fonctionne. Je pense que oui, après certes c'est des contraintes supplémentaires, mais oui, je pense que c'est compatible. Par exemple avec les études, est-ce que c'est compatible? Ouais, moi j'ai la chance en plus de faire quelque chose de e-learning, donc c'est chez moi, donc je peux vraiment me consacrer. Mais certes, j'ai quand même aussi des contraintes scolaires dans 2 semaines par exemple j'ai passé mes partiels, etc. Mais j'essaie avec Stéphane qu'on s'arrange le mieux possible pour louper le moins d'entraînement possible. Après, c'est sûr, ça impacte, se consacrer à 100% et avoir deux éléments à gérer dans la semaine, c'est sûr que ça peut être contraignant. Après, le club a des partenariats qui font en sorte que les joueurs soient présents à tous les entraînements et adapter les horaires de travail avec les entraînements. Donc c'est compatible, ouais. Fond. Justement, j'avais demandé au-delà du fait que c'est nécessaire d'avoir un bagage universitaire, de faire des études pour éventuellement travailler à côté ou après la carrière. Est-ce que justement au club et dans le hockey sur glace, c'est quelque chose tout simplement aussi face auquel, même très jeune, on vous dit faire des études, c'est important. Je sais que dans un sport aussi comme le rugby par exemple, y a une importance assez forte qui est donnée à cela, jusqu'à un certain niveau, après ça le permet plus forcément. On est dans un sport mineur, donc qui dit sport mineur dit salaire mineur, et forcément on est obligé de forcer les enfants, même s'ils désirent faire du hockey sur glace, de faire leur vie le hockey sur glace, ils vont pouvoir vivre de leur salaire pendant qu'ils joueront, mais ils auront mis zéro argent de côté. C'est ça, ouais. Bien sûr, donc ils sont obligés de préparer leur après-carrière. Ici à Montpellier, il y a beaucoup de joueurs qui sont obligés de travailler à côté ou qui font encore des études à côté parce que le salaire ne permet pas de toute façon de vivre décemment même si ils sont pas malheureux. On est pas à plein, on est logé, payé. Mais voilà, le hockey sur glace en France est comme ça à tous les échelons, même en Ligue Magnus au plus haut niveau, il y a personne qui ou vraiment une petite minorité, je dirais peut-être 5% des joueurs qui peuvent se dire ok, après ma carrière. J'aurais le temps de voir venir, j'aurais mis assez d'argent de côté. C'est à partir de la D1, donc D2 officiellement, que les joueurs perçoivent un salaire dans leur club, non, ou c'est même avant cela. Même avant, ouais. En ce qu'on appelle nous la D2, donc qui est la division 3, enfin le troisième échelon national, oui, il y en a déjà qui touchent des rémunérations. Mm-hmm. Mais on parle, je dirais que le joueur le plus payé ici à Montpellier, c'est le SMIG. Hein. Ouais, ouais, voilà, c'est pas... C'est sans commune mesure avec de nombreux sports non, collectifs. Non, c'est sûr. Après, ça nous permet de vivre aussi, ouais. Notamment. Voilà. En parlant du financement d'ailleurs des Vipers, je ne sais pas si c'est un sujet sensible au niveau du club, sachant qu'ils ont quand même connu une mini descente aux enfers il y a quelques années, en 2013-2014, après du côté sportif, mais aussi financier. Est-ce que ce passif récent se ressent un peu toujours au sein du club ou non, je ne pense plus je pense vraiment pas. Je pense que le budget est sain, le conseil d'administration qui gère ce club a vraiment les pieds sur terre. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Le coach souvent demande un petit peu plus et puis il a un refus évidemment. Mais non je pense que c'est très très bien géré, que le club est vraiment sain maintenant, et il est financé évidemment par la métropole, par les partenaires privés et puis par les nombreux publics qui viennent nous voir. Il y a quand même 1000 personnes à chaque match depuis le début de saison. Je pense que c'est remarquable d'une ville comme Montpellier qui a pléthore de sports de haut niveau à proposer à tous les Montpelliérains. Je pense que on a notre place ici à Montpellier. D'ailleurs, on va passer un petit peu plus au côté sportif des Vipers. Je fais une petite introduction. Montpellier donc est promu cette année en division 1, ce qui correspond, comme on l'a dit, à la deuxième échelle, donc deuxième division après la Ligue Magnus. Les Vipers malheureusement terminent à la 13e position sur 14 en saison régulière, et donc directement en poule de maintien ou play-down, là où les matchs à confrontation directe sont comptés. Heureusement donc les Vipers avaient gagné, si je ne me trompe pas, 5 matchs sur 6, c'est ça. Ce qui leur a permis d'être plutôt haut dans les poules de maintien contre les autres clubs, donc Montblanc, La Roche-sur-Yon et Chambéry. Les Vipers sont premiers actuellement de la poule malgré une défaite cette semaine contre La Roche-sur-Yon. Rien n'est terminé, donc vous avez 20 points. Montblanc est à 18 et La Roche-sur-Yon est à 17. Oui. Il reste deux matchs, un déplacement à Chambéry qui devrait être entre guillemets plus facile puisqu'ils sont déjà assurés d'être en D2. Il restera aussi à accueillir Montblanc pour le dernier match à domicile à la patinoire Vegapolis. Quel est votre sentiment en tant qu'entraîneur et aussi en tant que joueur de cette saison qui vient de s'écouler? Elle n'est pas terminée, mais... Non, elle n'est pas terminée, loin de là, et il faut vraiment qu'on la termine ce week-end à Chambéry. Ouais. Hein. Il nous manque une victoire pour pouvoir assurer le maintien du club en division 1. C'est toujours très compliqué pour un promu de pouvoir vraiment évoluer à un niveau supérieur. Car c'est Chambéry, l'autre promu. Exactement, ouais. Oui. Et il y en a un troisième qui a été promu sur tapis vert, qui est Marseille, qui a fait une très très bonne saison, mais avec d'autres moyens financiers aussi. Là, voilà, le club a avec les moyens qu'il a, avec l'équipe qui était déjà présente, et il n'y a pas de raison de changer une équipe qui a aidé le club sur toutes ces dernières années de galère entre la D3, la D2. Les joueurs ont été évidemment maintenus dans cette division 1. On a aussi rencontré une division 1 qui était un championnat assez fou, parce que à 3 journées de la fin de la saison régulière, il y avait encore 8 équipes qui pouvaient se qualifier pour les playoffs. C'est ce que j'allais vous demander. Donc après, c'est le regard sur la division qui est très serré. C'est une division que j'ai pas connue depuis je pense 13 ans ou 14 ans, et j'ai jamais vu ce niveau-là en division 1, le niveau de jeu, l'homogénéité des équipes, à part Chambéry qui était vraiment à l'arrière, mais toutes les autres équipes pouvaient prétendre à battre n'importe qui, et d'ailleurs on a battu les premiers, on a perdu contre tout le monde, pouvait battre tout le monde. Et tout le monde pouvait perdre contre tout le monde, et ce qui a fait que on n'a pas pu se qualifier pour ces playoffs là, mais à peut-être à 2 victoires près sur 26 matchs. Donc c'est vrai qu'il y a un mois vous étiez encore bien placé, voilà. C'est vrai qu'en peu de temps, même juste 2 défaites, ça suffit. C'est ça. Et du coup, toi, Arthur, sur cette saison, c'est à peu près pareil. On a, je pense, dans l'ensemble, c'était une saison pour une équipe promue. C'est toujours un peu compliqué. Hein, le contexte est toujours particulier, que ça soit, on peut le dire toujours, hein, surtout dans le hockey, le côté financier ou autre. Les trajets coûtent cher. La France était quand même assez vaste avec l'ensemble des trajets. Mais bref, ça c'est une parenthèse dans tout ça. La saison elle-même, voilà, elle est toujours pas finie. Il y a des matchs encore. Même le dernier prochain match est très très important. Comme beaucoup de matchs ça a été cette saison vu l'homogénéité du championnat. Mais on aurait pu, moi je suis assez quand même, enfin je vais pas le cacher, je suis quand même assez déçu de où on est, c'est normal, hein, on va pas, on est compétiteur. Oui, pour un compétiteur, hein, forcément. Je vais pas être content en étant dernier. Je pense on s'est tiré quelques balles dans le pied, les joueurs, hein, nous, dans certaines victoires, soit à la fin du championnat régulier, on aurait dû, où on a donné trop de cadeaux, etc., alors qu'on aurait pu gagner des matchs. Et la saison a été totalement différente, même pour le club. Ça aurait été une victoire supplémentaire, même finir 9-10e dans le championnat qui fait en sorte que le championnat s'arrête directement après la saison. Bah, ça aurait été, je pense, même déjà pour un promu, ouais, moins bien que les play-downs, mais mieux que les play-offs, mais mieux que les play-downs. J'ai une petite question, si je peux. Oui, bien sûr. Tu es autorisé. On reconnaît souvent un sportif à son action préférée. Par exemple, Chris, ici, c'est se recoiffer après une pénalité au rugby. Romain, c'est du ski tout longuement après avoir posé un caramel. Moi, c'est me faire les croisés après avoir fait un tchic-tchac. Quelle est votre action préférée au hockey? Okay. Est-ce qu'il y a des spécificités au hockey, ouais, comme peut l'être au rugby, d'un point de vue tactique, ou Tchabala ou Randa? C'est plus sur les défenseurs. Même pour les attaquants, c'est le coast to coast, c'est le plus beau pour Qu'est-ce que c'est un coast to coast? C'est en fait, on part dans notre cage et on dribble un peu tout le monde, on va marquer. Ah, ouais. Enfin, moi, en tant que défenseur, c'est un peu l'utopie. Si on en fait un à chaque match, on est vraiment content, quoi. Non, ça arrive pas non plus à chaque match. Je vous rassure. C'est assez rare. Hein. Sinon, on serait pas là. Hein. Mais c'est quelque chose un peu quand même d'idyllique. Enfin, tout le monde rêve d'en faire avec des dribbles assez impressionnants ou autre. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon. C'est un peu le Brésilien, quoi. Plutôt hockey, le Canadien ou le Suédois, parce que le Brésil, le hockey, la glace, c'est pas trop. C'est ça, voilà. Et un caramel contre la paroi, là? Bah, moi, je suis pas trop le genre de joueur, donc c'est pas ce qui m'impressionne. Après, c'est toujours impressionnant, hein, surtout pour le public. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça aussi. C'est un sport impressionnant. C'est très télégénique, quand même, le hockey. Mais non, après, ça dépend du style aussi des joueurs. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus physiques que d'autres, donc beaucoup plus techniciens que d'autres. Donc, ça dépend de l'aspect du joueur. Cet aspect contact, il est très fort, quels que soient les championnats, ou justement, c'est l'effet sport spectacle un peu aussi, NHL et des très grosses armadas. Oui, mais c'est en train de diminuer fortement. Ouais. On est concerné comme tous les sports, et je pense qu'on est en plus en tête de liste par rapport aux commotions cérébrales. Ouais, je pense. Effectivement, les instances ont commencé vraiment à protéger les joueurs. Les joueurs sont plus rapides, plus préparé, plus fort qu'il y a 15 ans en arrière. Donc forcément, l'impact est beaucoup plus violent. Et on voit dans le rugby, hein, c'est la même chose. Hein. On a exactement le même phénomène. Donc les instances commencent maintenant à mettre vraiment des règles très strictes au niveau de ces charges. Donc il y en a de moins en moins. La dernière en date, pour vous expliquer, c'est que souvent, un joueur allait contre un autre joueur et que ce joueur avait le palais et se débarrassait du palais, on avait le droit de lui mettre une mise en échec. Maintenant, c'est interdit. Voilà. Donc, on protège la santé des joueurs avant tout, bien sûr. Mais du coup, ça enlève aussi un petit peu ce sport-spectacle de caramel à tout bout de champ qui avait une époque. On le voit même en NHL, hein, y a de moins en moins de grosses charges parce que c'est aussi leur santé et leur métier. Donc, ils font aussi attention. Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Montpellier, qui est quand même une grande ville de sport en termes de différence de sport. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour les Vipers, notamment au point de vue du public? Vous avez dit d'ailleurs, j'ai lu un article sur le Dauphiné, qu'il y avait un beau supporterisme à Montpellier avec beaucoup de monde, avec des bonnets, maillots des Vipers. Comment on pouvait expliquer un peu? Ouais, moi j'étais vraiment surpris. C'est pas une ville de hockey, Montpellier. Oui, c'est pas Chamonix. Hein. Non, voilà. Voilà, mais à Chamonix, il n'y a personne qui a un maillot, une écharpe et un bonnet. Ici, les spectateurs viennent, ils sont aux couleurs de l'équipe. C'est vraiment ce qui m'a surpris. Après, pour revenir sur le fait qu'il y a beaucoup de sport ici à Montpellier, je pense que c'est aussi une ville qui est très très grande, donc il y a la place pour tout le monde. Quand on fait entre 1000 et 1200 personnes par match, je vois pas qu'on pourrait en mettre beaucoup plus. Il y a une belle infrastructure tout de même pour un club de division. Oui, bien sûr. Il y a des patinoires de Magnus, donc du championnat supérieur, qui aimeraient avoir la patinoire de Montpellier. Les locaux sont très intéressants, les vestiaires, nous on a un vestiaire, enfin moi je fais quand même pas mal de vestiaires dans ma carrière. le vestiaire à Montpellier, la première fois que je suis arrivé, je me suis dit ouais, c'est quand même professionnel. Non, la patinoire est belle, l'ambiance est vraiment bien. Après voilà, il y a des passionnés, les gens sont aussi attirés par ce sport qui est un peu particulier, qui n'est pas commun en France, hein, faut le dire. Et donc voilà, c'est toujours positif d'avoir plein de monde au match. Ça donne, voilà, c'est sur un second souffle à chaque fois. Ça nous aide. Voilà, après, les moments où il y a eu moins de monde pendant les matchs, ben, ça a été quand les moments où on a eu un peu plus de difficultés aussi au niveau du jeu, ce qui est logique aussi. Mais sinon, en moyenne, on a quand même des très bonnes influences, qui est le foot ou encore le rugby ou le handball. Je pense que chacun trouve... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est une grande ville, donc dans la métropole, je pense que tout le monde trouve son compte. Ouais. Et il y a une diversification qui est quand même assez exceptionnelle pour une ville quand même. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant à Montpellier, c'est que tout le monde peut être heureux d'aller voir n'importe quel sport, même on peut parler de water polo ou autre, hein. c'est intéressant. Et avec cette dynamique d'ailleurs des dernières saisons, notamment la montée l'année dernière, c'est quelque chose que vous ressentez? Il y a aussi plus de public qui vient, ou justement c'est de fait un public de passionnés qu'on méconnaît finalement à Montpellier, qui fait que... Hormis résultats des fois un petit peu décevants, il y avait déjà même toujours une base publique, une base de public avant même les bons résultats de l'année dernière. Oui, a priori, nous on n'était pas là. donc, mais oui, je pense que c'est quelque chose qui a duré sur toutes ces années. Maintenant, je pense que le public, et on le voit un peu dans les réseaux sociaux, est assez exigeant, parce que toutes ces années passées, le club gagnait. Ils sont montés de D3 en D2. En D2, il y a eu des bonnes saisons. Et puis l'année dernière, une très très bonne saison avec une finale à la clé. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Et on sent que le public est un peu plus exigeant, justement, par rapport à ça. Donc voilà, il faut que tout le monde apprenne à trouver sa place justement dans cette division 1, que le club trouve sa place, que les spectateurs trouvent leur place. Je pense qu'ils ont vu des matchs qui étaient quand même d'une autre qualité que ce qu'ils ont vu par le passé. C'est pas le même calibre que la division 2, c'est évident. Donc je pense qu'ils peuvent retrouver aussi leur compte là-dedans, même si les résultats sont pas aussi bons que ce qu'ils étaient quand évidemment les Vipers étaient en D2. On a l'impression que chez les Vipers, il y a aussi un point d'orgue sur la formation dernièrement. On a l'impression que c'est très important pour le club. Est-ce que ça l'est également pour vous? Est-ce que c'est pour cela que Arthur est avec nous aussi? Alors, bon, j'ai pas voulu le cacher. Bah, déjà, nous, tous les mois, on doit passer une fois avec les petits pour aller les encadrer. Pardon, avec les petits pour aller les encadrer et leur donner des conseils, si on peut le dire comme ça. Après, voilà, je pense que c'est toujours intéressant pour les clubs, surtout qu'à Montpellier, il y a quand même, comme on dit, il y a une belle infrastructure, il y a du monde, donc il y a pas mal de jeunes. Après, nous, en tant que joueurs, c'est pas notre job prioritaire pour la formation. Il y a des coachs qui sont là pour eux. Après, si on peut être un élan de positivité, d'exemple pour les jeunes, en leur montrant peut-être le bon chemin à suivre pour ceux qui veulent progresser dans le hockey, les sacrifices qu'ils devront faire, on peut être ces exemples-là. Après, voilà, c'est en France, les gros pôles du hockey, ils bougeront jamais. C'est des clubs qui ont une... C'est une culture du hockey, comme on peut dire Grenoble, Rouen, Amiens, où les jeunes, c'est toujours les mêmes. Que vous ayez en U17 ou U20, c'est toujours les mêmes en finale. Il y a un cap. Après, le mieux pour un club, c'est de sortir le plus de joueurs possible. C'est sûr que je pense que les joueurs qui veulent progresser, évoluer, Montpellier peut les former, mais ils devront partir dans d'autres centres de formation pour justement accroître leur niveau et espérer atteindre leur objectif, je pense, dans le futur. Après, je suis pas coach, je suis... Voilà, donc moi, je vais intervenir tout de suite. Je vais l'arrêter tout de suite. Dire ma connerie. Mais non, je pense qu'il y a du bon, mais tout n'est pas juste. Moi, j'ai cette double casquette, c'est pour ça que je suis venu ici à Montpellier aussi, c'était pour m'occuper aussi de la formation. Donc j'ai aussi la casquette de manager du hockey mineur, de toute la formation. Le but, c'est justement de développer cette formation, qu'on ait des équipes à tous les échelons, au plus haut niveau. C'est aussi ce projet-là, moi, qui m'a tenté, parce que je m'occupais aussi, quand j'étais sur Chamonix, du HC74, qui est une grosse structure, un gros centre de formation. Et donc les dirigeants de Montpellier m'avaient contacté justement aussi par rapport à ça, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et alors le plus gros problème, c'est d'inculquer une culture hockey sur glace ici à Montpellier. J'ai vu des choses que j'avais jamais vues avant, des enfants qui partaient en vacances à Noël alors qu'il y avait des matchs, enfin moi ça m'est jamais arrivé avant. Donc, mais il faut apprendre, il faut expliquer ça aux gens. Et je pense que les fruits commencent déjà un petit peu à porter. On a nos petits U13 qui étaient en finale de Ligue ce week-end. Et ils ont fini deuxième sur 10, je crois. Donc voilà, c'est une très bonne performance. On a des bons petits Vipers ici à Montpellier. Il y a du monde. On essaye de créer l'année prochaine, et c'est encore un problème de budget évidemment, une équipe U20 élite, donc dans un championnat de France. On a déjà des U17 qui sont en élite, et essayer d'avoir toute cette filière qui permette aussi d'alimenter l'équipe senior. Voilà, c'est le vrai objectif de ces prochaines années, d'avoir une formation complète pour que les enfants puissent aller jusqu'au bout de leur formation, de leur développement, et puissent jouer au meilleur niveau pour eux. C'est que ça soit ici, ou qu'après qu'ils partent, comme a dit Arthur, dans des gros centres de formation pour aller jouer en Magnus, et tant mieux si c'est le cas, mais il faut qu'on les garde pour pouvoir qu'ils puissent jouer, et de leur donner au moins la chance de jouer en division 1. Donc ça va être ça l'objectif, et aussi d'attirer, on peut aussi attirer aussi des jeunes ici à Montpellier. On a un panel scolaire ici qui est impressionnant. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi nous avoir une structure de développement pour tous ces jeunes. Est-ce que c'est justement l'argument de la formation qui vous a plu dans le projet que vous a proposé Montpellier ? Complètement. Oui, c'est l'argument numéro un. D'accord. Et du coup, Arthur, comment s'est passé justement ton arrivée à Montpellier ? Qu'est-ce qui t'a plu à toi dans ce projet ? Bah, bon, après, je ne vais pas citer toutes les raisons, mais je vais citer les principales. Ouais. Ça va être, déjà, Stéphane qui m'a appelé, j'ai tout de suite accroché avec lui. J'avais jamais joué pour lui auparavant. Le projet était quand même très intéressant. On parle quand même d'une équipe qui venait de monter, avec Stéphane et l'ensemble du staff créent une équipe dont je connaissais quand même beaucoup de joueurs déjà, donc c'est toujours intéressant et beaucoup plus facile d'arriver dans une équipe où on connaît une partie des joueurs. Les objectifs de début de saison étaient quand même intéressants aussi, enfin l'ensemble des objectifs sportifs est intéressant, ce sera plus facile de dire ça comme ça. Et voilà, après c'est toujours un challenge hein, d'arriver dans un club qui vient de monter, qui fait la montée. Il y a des ambitions, parfois il faut être un peu ambitieux hein, quand on vient de monter, il ne faut pas revoir nos objectifs à la baisse. Et donc voilà, tout était fait pour qu'on arrive au mieux à conclure les objectifs. Bon certes, on ne les a pas faits, c'est comme ça. Hein. Mais voilà, c'était, dans l'ensemble, c'était un beau challenge. Je suis content d'être passé ici. Bon, on verra l'année prochaine. Les objectifs, c'était pas de... Premièrement, de se maintenir du côté de Montpellier. Si, au fond, tout le monde voulait, c'était se maintenir. Mais le but, quand on arrive dans le championnat, c'est pas se maintenir. Oui, c'est toujours plus intéressant d'arriver et faire les play-offs. La saison est beaucoup plus intéressante. L'état d'esprit est différent aussi. Faire une saison, arriver en play-off, tout le monde en ressort un peu plus grandi que des play-down. Il faut se le dire, c'est compliqué. La qualité est différente. Il y a un stress qui est différent aussi, puisque perdre des playoffs, on a perdu des playoffs, sachant qu'on vient de monter, on n'a rien à perdre. Des play-down, ça peut être compliqué pour le club, c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça, on n'a pas. C'est vrai que d'un point de vue personnel, et lorsqu'on est compétiteur, ça doit être difficile, mais par contre, justement, pour le club, ça peut être sans doute un apprentissage, non ? Dans la perspective des prochaines saisons, d'avoir été confronté à ce type de moment et aussi d'avoir vu que l'écart n'était pas important. Justement, vous le disiez, le championnat était très serré, et de se dire par contre que dès la saison prochaine, il y a la place pour mieux faire. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est important de passer par des étapes, et celle-ci où on a eu une année très compliquée, très difficile, justement où on n'est pas arrivé à, comme a dit Arthur, on est des compétiteurs. Moi, je voulais faire les playoffs, absolument. Et la meilleure façon de se maintenir, c'est de faire les playoffs. Donc l'objectif, c'était celui-là. Mais voilà, on n'y est pas arrivé. Mais je pense qu'on a énormément appris. que ce soit moi, que ce soit les joueurs, que ce soit le club, on a appris sur cette division 1 qu'est-ce qu'il fallait faire et on fera évidemment un débriefing à la fin de cette saison quand on se sera enfin maintenu, parce que ça fait maintenant un mois qu'on dit on va se maintenir samedi, donc ça commence à être long, surtout pour moi. Mais voilà, donc c'est vraiment retenir les leçons de cette année. Qu'est-ce qui nous a manqué? Où est-ce qu'on s'est trompé? Et ça va nous faire grandir, forcément. Et donc, justement, l'objectif de se maintenir cette année, on espère l'éventualité que vous soyez maintenu ce week-end. Quel sera l'objectif l'année prochaine, un peu de pérenniser en Division 1 ou de voir toujours plus haut et d'aller chercher Ligue Magnus? Non, c'est un cap déjà financier, c'est quand même très compliqué. On le voit dans les années Épinal l'année dernière, que des dépôts de bilan, que ce soit même Dijon et deux ans. Là, il faut réunir, il faut créer une société déjà en Magnus. Maintenant, c'est obligatoire, si je ne me trompe pas. Tout change au niveau financier. Et je pense que, voilà, comme a dit Stéphane, il faut faire étape par étape. Un club qui vient de monter deux ans et qui arrive déjà en Magnus, ça serait se tirer une balle dans le pied directement. Le but du club, ce soit voilà, de s'établir en D1, avoir voilà, une notoriété en D1 qui est importante, attirer du monde, que ce soit dans le centre de formation, comme dit Stéphane, même au niveau des joueurs, avoir une équipe compétitive qui joue au fur et à mesure le haut de tableau, et pourquoi pas, après je ne sais pas les objectifs de la présidente et de l'ensemble du bureau, ça ce n'est pas les joueurs qui décideront, c'est eux qui ont les bilans et autres. Et qui décideront voilà, si un jour la ville ou autre, les partenaires privés, parce qu'il faut compter aussi, les partenaires privés sont quand même très importants, surtout pour monter en Magnus, bah voilà, si eux décideront. Après, pour l'instant, il faut s'établir en D1 de manière pérenne et pas sauter d'étape. Je pense que c'est plus important pour les clubs qui viennent de monter. Oui, l'objectif, ça va être celui-là, c'est de mettre Montpellier sur la carte de la D1. Ensuite, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais ce qui est important, c'est... comme l'a dit Arthur, c'est pérenniser la place de Montpellier, que Montpellier soit une place forte de la D1. Et après, il arrivera ce qu'il arrivera. Si à un moment donné, Montpellier est amené à monter, mais on parle vraiment à long terme là. Ça sert à rien de monter tout de suite ou des choses comme ça. De toute façon, on sera pas prêt. Le club sera pas prêt. La formation. Exactement. Construisons une pyramide. Voilà, un club solide avec un socle solide financièrement. Au niveau du nombre de licenciés, au niveau des spectateurs, au niveau des partenaires privés. Et après, on verra bien ce qu'il arrivera. Maintenant, si un partenaire privé vient, ou si la métropole vient et nous dit ben, il nous manque le hockey aussi en haut, oui. Voilà, ça serait une autre chose. Mais même s'il devait venir cette année, je dirais, n'y allons surtout pas. Surtout pas, il faut apprendre. On a énormément appris cette année. C'est le risque de retomber rapidement. Très vite. Ouais, très vite. C'est un rythme, hein, que ce soit de la D2 ou la D1. Les voyages changent, les conditions de match changent. Passant en Magnus, les matchs sont multipliés par deux. Ça fait que dans la semaine, vous êtes capable de faire un road trip pendant toute la semaine, d'être jamais chez vous. Donc ouais, il faut apprendre, il faut pas arriver, jeter les deux pieds dedans et couler directement. Il y a beaucoup trop de clubs qui l'ont fait. Et puis après, c'est bien d'avoir des objectifs et des ambitions, mais je pense aussi parfois il faut être aussi raisonnable. Ça sert à rien de se lancer dans un pari fou qu'un club ne pourrait pas tenir. Et puis il ne faudra pas surtout retomber dans les situations que vous avez dit financières des années je ne sais plus combien. Ça serait strictement négatif pour tout le monde. Tout le monde y perdra au change, que ce soit la formation, le club pro, les supporters, la ville. Donc c'est mieux de prendre son temps, d'être un peu plus réfléchi, et ça, on avance parfois, même si ça met plus de temps, on avance beaucoup plus rapidement sur du très très long terme, et je pense que c'est ce qu'il faut à Montpellier. Premier objectif, play-off. L'année prochaine ? Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. C'est apprendre de ce qui s'est passé cette année, que ce soit pour les joueurs, pour le staff ou autre, et voilà, avancer, se dire que on sait ce que c'est les play-downs, on n'a pas envie d'y être. Après, comme l'a dit Stéphane, le championnat, que ce soit Magnus, D1 ou autre, ils sont de plus en plus concurrentiels, il y a de nombreux bons joueurs qui arrivent. Donc voilà, les matchs sont de plus en plus importants et difficiles à jouer, à gagner. Donc voilà, ce sera une année encore plus compliquée, mais je pense que le club aura appris certaines choses. Et l'objectif principal, voilà, ça sera être dans les 8 premiers, être en play-off et faire la meilleure saison possible. Ok. Et donc l'objectif premier surtout ce sera d'aller chercher ce maintien la semaine prochaine. On espère on espère que lundi prochain on pourra dire de bonnes nouvelles de Montpellier Vipers. En tout cas merci d'être passé à notre émission et on espère vous revoir bientôt et parler de play-offs cette fois-ci, non pas de play-down l'année prochaine. Ça marche. Parfait, je vous remercie, on va passer à notre deuxième pause musicale, c'est Gavinko avec le titre Culture. De retour sur Sport & Chill, c'était Gavinko avec le Czech Culture. On passe tout de suite au duel. Ce soir, le duel entre deux chillers. Qui sera le joueur clutch? On voit que je connais pas le basket. Si, au contraire. Ah, c'est vrai. C'est bien placé. C'est bien placé. Entre Tim et Jules... Sur ce sujet donc de NBA, Giannis Antetokounmpo ou James Harden, qui sera pour vous le MVP de la saison régulière en NBA cette année. C'est Giannis pour Jules, c'est ça, et donc ça, Harden pour Tim. Qui souhaiterait commencer? Personne? Un Shifumi pour commencer? Allez, vas-y, Shifumi. Allez, Shifumi. Allez, c'est parti, la feuille gagne, donc tu commences ou tu commences pas? Tu choisis. Je laisse la main. Je laisse la main. C'est Tim qui commence. Question pour un champion ici. Tu me dis quand c'est bon. Question hein. Botanique. Tim, c'est quand tu veux, c'est moi qui je prends temps. Bah oui, c'est quand vous voulez. Team USA. Il était tous les records. Ah oui, avec Barry White. Je sais. Allez, voilà. Allez, écoute, moi, ça sera James Harden, mon MVP. Non pas que j'aime pas Giannis Antetokounmpo, mais James Harden est vraiment trop impressionnant cette saison. Samedi soir, il a signé son 9e match à 50 points ou plus de la saison. Seul Kobe Bryant fait mieux depuis 1963. 42e triple-double en carrière. Cette saison, en moyenne, c'est bien évidemment c'est le meilleur scoreur. C'est 36 points de moyenne, 6,5 rebonds, 7,5 passes décisives par match. Donc c'est assez équilibré pour un attaquant. C'est 57 points inscrits ou plus à 6 reprises. C'est soit deux fois plus que Wilt Chamberlain, qui est une légende. Une véritable légende de la NBA. Il a tourné à 40 points de moyenne sur une série de 40 matchs cette saison, et c'est juste monstrueux. Et la stat qui est vraiment folle, c'est qu'il a inscrit au moins 30 points à chacune des équipes de la ligue. Et moi, je dis James Harden parce que c'est un joueur qui offensivement est juste monstrueux, et notamment à 3 points, ce que n'a pas Giannis Antetokounmpo, même s'il a un jeu différent. Et je pense que c'est un joueur qui est à la limite de révolutionner le système de défense en NBA, parce qu'il est indéfendable. Son step back est un véritable cauchemar à défendre, et il est clutch par excellence, c'est-à-dire qu'il est capable d'emmener Houston vraiment tout en haut. Il va les emmener en finale pour moi. Combien de temps il reste? Une minute. En termes d'efficacité, c'est un joueur qui est toujours là dans les grands matchs. Ce qu'on appelle en NBA le true shooting, c'est-à-dire tous les tirs confondus, que ce soit à 2, 3 points et lancer franc, il a 61%. C'est un des meilleurs pourcentages de l'histoire. Et à 3 points, il a un taux de réussite qui est juste hallucinant. Alors certes, il prend plein de points, il prend plein de tirs, c'est ce que tu vas sûrement me dire, qu'il prend beaucoup de tirs et qu'il rate beaucoup aussi, mais il est beaucoup trop décisif, beaucoup trop impressionnant, beaucoup trop dur à défendre, et il sera forcément là dans les playoffs. C'est là que ça va se jouer, c'est dans les moments décisifs. Jusque là, il a jamais déçu, et en termes de régularité et tourner à ces stats là, être aussi fort dans les tirs et dans les moments importants, ça serait dur de citer un autre joueur. Même si Antetokounmpo fait une saison impressionnante, Harden il fait encore mieux que la saison dernière. Il est juste intouchable. Parfait, il te reste 5 secondes, c'est nickel. Est-ce que tu es prêt à contre-attaquer, mon cher Jules? C'est quand tu veux. Je suis prêt. Alors on va partir sur Giannis Antetokounmpo. Donc il a été drafté en 2013 au 15e choix par les Bucks. Aux États-Unis, il a un nom un peu compliqué à prononcer, donc on l'appelle Greek Freak. Les Américains, ils ont un peu de mal avec ça. Du coup, c'est quelqu'un qui a progressé physiquement depuis son entrée dans la ligue, parce que quand il était drafté à 18 ans, il faisait 2m4. Actuellement, il fait 2m11. Donc c'est quelqu'un qui a grandi. Il a été drafté à 89 kg, il fait 110 kg, donc ça s'est épaissi aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il domine la ligue. Aujourd'hui, il domine la ligue, mais il domine pas que la ligue physiquement, il la domine aussi statistiquement. Cette année, c'est 27,4 points, 12,5 rebonds, 6 passes, 1,5 contre et 1,3 interceptions de moyenne par match. Donc ça, c'est des stats. S'il continue comme ça, on n'avait pas vu une saison comme ça depuis Oscar Robertson en 61-62. Donc ce qui est impressionnant, Oscar Robertson, grande légende aussi de la NBA. Il est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Les Bucks actuellement, c'est 57-20. C'est la seule équipe NBA qui peut atteindre les 60 victoires cette année. Donc pour moi, ça serait légitime pour qu'il soit MVP. De plus, il peut jouer sur les 5 postes, défendre sur les 5 postes. Donc il a une mobilité qui est assez impressionnante. Il est en course pour le MVP, mais aussi pour le titre de meilleur défenseur de l'année. S'il arrivait à faire coup double, il serait le troisième joueur à le faire après Jordan et Olajuwon. Et voilà, moi je pense que pourcentage de tir impressionnant, 58%, même si c'est 24% à 3 points, c'est pas Harden, c'est sûr. Mmh. Au niveau de l'adresse, ils ont vraiment un jeu différent. Mais dans la politique qu'a la NBA actuellement d'internationalisation, actuellement, ça serait bien que ce soit le deuxième européen à être MVP après Dirk Nowitzki en 2007. Parfait, il te restait 10 secondes, c'est parfait dans les timings. Mes chers chroniqueurs, ça sera à vous de voter pour le meilleur. Il y a juste Enzo qui me dit que c'est Cheick Diabaté le MVP de l'année pour lui, donc pas de duel nécessaire. Merci pour... voilà, merci Enzo, on te salue. Romain, est-ce que tu veux commencer? Il y a Alex qui pourra aussi réagir. Michel va réagir aussi également tout de suite après. Toujours le mot pour rire, en tout cas, Enzo. En tout cas, tout ce qu'on a entendu est totalement hallucinant. C'est un très beau duel, en tout cas. Très beau duel. Qualitatif, tant pour les joueurs que pour les duellistes. Et je pense qu'on a un des plus beaux duels aussi pour le MVP depuis très très longtemps. James Harden a des stats ahurissantes. c'est du jamais vu. Il va sans doute continuer sur ce rythme-là. Et Giannis fait tout aussi bien, finalement, dans une équipe très collective. Au vu des stats et de ce qu'est le basket américain, je pense qu'il est difficile de ne pas voir James Harden devenir MVP. Je sens qu'ils vont le mettre MVP. Après, on dit souvent de la NBA que c'est un sport, justement, que c'est une des composantes du basket qui devient de plus en plus portée sur l'attaque, les trois points et faire toujours plus de points. Mais le collectif, c'est quelque chose, moi, qui me semble très important. Et puis bon, un Européen serait beau, donc c'est difficile là, parce que je pense qu'il y a peu d'objectivité, dans le sens que, quoi qu'il arrive, le choix sera légitime, et qu'entre ces deux joueurs, c'est très difficile de le départager. Donc si c'est pour mon cas, et c'est pas statistique, du coup sur les stats, pour moi ce serait bien sûr James Harden, mais sur ce qu'il est parvenu à faire, et dans une équipe aussi collective, donc où les points se répartissent plus, j'ai envie de dire Giannis Antetokounmpo. Mais voilà, pour voir quelque chose que je vois même pas venir, et pour faire taire un peu les Américains, quand on voit aussi le duel Doncic-Trae Young, et qui font que dire Trae Young, bien sûr c'est Doncic, même s'il fait des super perfs. Donc j'ai bien envie de voir Giannis et de voir les Européens truster les récompenses. Très bien. Donc, point pour... Pour Julien, en l'occurrence. Pour Julien, en l'occurrence. Alex. Mais difficile, très difficile. Alors, effectivement, le duel était de très haute facture. J'ai bien écouté... j'ai bien écouté... Il serait bon en politique, Alex. J'ai bien écouté... Est-ce qu'ils sont ineffables, ces deux joueurs? En partie, c'est inénarrable, on peut rajouter. Même, allez. Mais non, mais effectivement, franchement, j'ai bien écouté vos deux arguments. Je me suis permis après de vérifier deux, trois petits trucs au niveau classement et statistiques sur mon portable. C'était très difficile, franchement, de vous départager, mais il y a trois raisons qui vont me faire pencher pour Jules. Effectivement, c'est le fait qu'il joue aux Bucks et la saison extraordinaire qu'il joue, comme il a, enfin, qu'accomplit le Milwaukee, mm-hmm. comme il l'a souligné. Le fait que ce soit un Européen. Ça, bon, en plus pour moi, il a touché mon petit cœur sensible là. Ouais, mais là vous êtes un peu chauvin les gars sur ça. Mais après, c'est vrai que ça compte aussi, effectivement, que ce soit pas toujours un Américain, mais sincèrement, en fait, moi, c'est vraiment le fait que la saison des Bucks. Ouais, après, je suis d'accord avec toi. Je comprends. Harden, il est énorme. Mais c'est vrai que c'est ce petit argument qui fait pencher la balance par rapport à la différence entre les Rockets et les Bucks, quoi, qui font pencher la balance. Et c'est vrai que bon, quand même, je trouve que c'est quand même bien de mettre un Américain. Et puis après, il y a peut-être un autre argument, c'est la différence d'âge. Il est né en 94, notre ami Greg. 24 ans. Voilà, et quand même, il a 29 ans, presque 30. Ouais, donc 30 c'est un joueur un peu plus confirmé. Et je pense que c'est bien de mettre. Il a déjà été ou pas? Jordan, mais oui, c'est le tournant du titre. Voilà. Donc, du coup, j'aime bien le petit côté renouvellement, jeunesse aussi, prime à la jeunesse. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Ouais. Après, ouais. Je traduis ce que tu dis. J'ai été déçu de la saison des Rockets. Je pense qu'il y a aussi de ça. Par rapport à ce que je les voyais être capables de faire. Il est un peu seul, le pauvre James Harden. Et je le trouve un peu seul, alors que Giannis a été dans une équipe qui a été aussi très forte d'un point de vue collectivement, et que je voyais forcément en haut de la... Avec Middleton, non pas Bledsoe, seulement de la conférence, mais de la Ligue. Après, effectivement, Harden toujours clutch, et il a été encore contre les Warriors. C'est tellement difficile de les départager. Ouais. Je vous laisse dire, messieurs, mais sur le sentiment, j'aurais pu dire Harden aussi. Hein. Moi, je partirais plus sur Harden, parce que ça fait quand même depuis 2013 qu'il est aux Rockets. Il a quand même été toujours assez régulier. Et comme tu disais, comment ça s'appelle ? J'arrive jamais à prononcer Giannis. Son prénom. Voilà, Giannis. Giannis. Je vais dire Giannis. Dis le grec. Giannis Zoclin. Le grec fric. Et il a une équipe avec lui, sauf que James Harden, comme tu dis, il est tout seul. Et il arrive à porter son équipe quand même en tête de la conférence. Et que. Et puis on a deux monstres en ce moment. Et je pense que moi, mon cœur balance pour Harden. Moi, pour terminer, hein, vous savez que je suis pas un grand fan de basket, un peu un basket-X, hein, faut le dire. Je serais tenté de dire tout de même Harden, parce que autant je préférerais que ça soit Giannis, pour des raisons qui ont été évoquées, notamment le côté européen. C'est vrai que bon, voilà, c'est pas très objectif. Hein. En l'occurrence, je pense que si concrètement on on essaie de réfléchir à ce qui va, à la personne qui va vraiment être MVP. Je pense que ça restera Harden cette année. Je vois pas le panel entre guillemets américain ou quoi que ce soit. Après, il risque peut-être de se dire qu'il a 24 ans, Giannis, il est pas encore dans son prime, ouais, donc ils vont se dire. Ouais, il aura une autre chance. Et puis, pour la régularité qui même depuis les Rockets, je pense que Harden aurait mérité aussi également son deuxième titre comme Curry. Donc, je pencherai pour dire Harden, même si je préférais évidemment que ce soit, soit Giannis. Les stats sont énormes quand tu parles de 30 points inscrits sur chaque des équipes. C'est vrai que ça, c'est énorme. Au niveau statistique, il est quand même. En fait, il faudrait leur donner un prix chacun des deux. Ouais, bah après, comme l'a dit Jules, lancer deux compos, il peut finir meilleur défenseur de l'année, ce qui est un beau titre en NBA. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Ça permettrait de mettre les deux finalement. Oui, voilà, que les deux soient compensés, on va dire. Après, c'est vrai qu'Arden fait une saison magnifique. Il a 36 points de moyenne, je crois, ce qui est pratiquement 10 points de plus que le deuxième qui est en tête au compo derrière. Donc on voit que vraiment au scoring. Oui, après il prend une arrêt. C'est dur de l'arrêter. Si on réussit à défendre, il va quand même chercher ses lancers et marquer ses points. Sur les statistiques, il y a la différence. Et la NBA et le basket sont des sports. C'est un sport éminemment statistique. Ouais. Et donc il y aurait quand même une logique, mais vraiment un léger avantage. Ça se jouera en playoff, honnêtement. Mais voilà. Dieu très serré. Oui, après Dieu très serré. Je demande à voir moi en tête de compo en playoff, sachant qu'il est inexpérimenté. Je demande à voir. Match nul sur ce duel. Premier match nul, premier duel pour Jules, match nul. Je suis désolé de te l'avoir arraché cette victoire. On est venu prendre le point qui nous était acquis. Avant de penser à gagner, il faut penser à pas perdre. Ouais, exactement. Faut penser à se pérenniser comme les Vipers en division. 122 partout. Voilà, c'est bien. On va passer à l'autre moment important de cette émission. C'est un quiz concocté par Romain. Jingle quiz. Sport and chill, le quiz. Romain, tu fais tes équipes parce qu'on est quand même pas mal. Est-ce que Christophe. Allez, on peut faire 4 équipes de 2. Ouais, tu vas faire des duos, c'est toi qui décides. Une équipe de 1. Il y a une équipe de 1 là. Ouais. Équipe de 1. Il va y avoir une équipe de 1 là. Non, bah je prends l'équipe de 1. Tu joues en solitaire ? Bah, je joue en solitaire. Tu es très multisport. Et première information, donc les duos, je les fais, mais ils sont déjà tout faits. C'est-à-dire Christophe avec Guillaume, on a Alex et Jules. Note les prénoms parce que. Passe-moi ton petit stylo. Tu n'en as pas besoin sur ce coup-là. On ne regarde pas derrière moi, s'il vous plaît. Je sors de la maison. je mets les duos, je me permets. Alors, Chris Guillaume. Guillaume, Alex avec Jules. Team Michel. Et enfin, Flo, votre animateur, avec toi. Avec moi. Ouf, là ça deviendrait compliqué. C'est la cooptation. Exactement. Et du coup, Flo, on est bon. Première question, messieurs, c'est parti pour le duel. Ouais, regarde, je viens d'enlever les pages Google Chrome. Un instant. On la connaît. Hein. C'est compliqué à côté de moi. Et on démarre par une première question, déclaration pour un point. Il fallait respecter la stratégie. On n'est pas capable de gagner. Sanski. Ah, impressionnant. Oh là là, on n'est pas capable de gagner à 15 contre 14, même si on prend deux cartons jaunes et qu'on joue aussi à 14 pendant 20 minutes. On devait maîtriser davantage le jeu, on n'a pas su le faire. Eux, ils ont été valeureux, ils nous ont pas mal déstabilisés, ils ont joué en avançant, trouvé des intervalles. Je crois que ça avantage les Toulousains, ils sont euphoriques sur une super dynamique, il n'y a pas de hasard. Ah, c'est un Racing. J'avais énormément misé pour gagner cette Coupe d'Europe. Certainement, ce sera la dernière fois que je porte le maillot du Racing en Coupe d'Europe. Faut savoir qu'il a dit ça en sortant du coiffeur. C'est vrai, Dimitri Sarzioski, le Biterrois, je le dis pour Alex, qui a une sacrée coupe de cheveux et qui est bien sûr international français, et sous les couleurs bleues et blanches du Racing. C'est son pedigree maintenant. Et j'enchaîne sur une question, déclaration encore, tiens. On fait toutes les déclats dès le départ. Et je dis pas le sport justement, pour pas aider. Aujourd'hui, il a dû être laissé de côté à cause de son comportement. Il est juste que les autres jouent, c'est une question de crédibilité. Vous devez avoir le respect et le bon comportement dans le vestiaire. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font la différence, mais ils sont très peu nombreux. Ouais. Non. Le professionnalisme et le respect de soi sont. Non. Sont primordiaux. La discipline est primordiale. Kepa ? Non, vous n'avez pas le. Vous n'avez pas le gars qui parle. C'est le gars qui parle qu'on cherche. C'est pas le joueur concerné. Tuchel, il a dit. Devoir. Non plus, toujours pas. Devoir négocier avec un joueur pour le faire jouer et porter le maillot de cette équipe. C'est le président de l'Inter. C'est Luciano Spalletti. Donc c'est l'entraîneur sur Icardi. Et la réponse est pour Jules, c'est sur Mauro Icardi, bien sûr, qui joue plus actuellement avec l'Inter. Donc on a un point pour Jules. T'as cherché un mec qui jouait plus. Et Alex, et un point pour Spaghetti. Spaghetti, ouais. Troisième question, et tiens, on était sur un duel NBA, donc NBA. Oh, putain, je suis bon là. Cette année en NBA est une année marquée par une pluie de records. En témoigne la qualité exceptionnelle des performances individuelles. Mais à votre avis, combien de joueurs, tour de table, attention, je le dis à l'avance, sont parvenus cette année à marquer 50 points ou plus dans le même match? Et il y a une liste de joueurs qui sont parvenus sur un même match. Faut dire la liste complète. Là, je vous demande un chiffre, un nombre, et vous verrez que pourquoi, pour le moment, on n'est que là-dessus. Le nombre de joueurs qui ont passé 50 points en une seule fois. Dans l'année. Une seule fois, voilà. Et ça compte pas plusieurs fois. Par exemple, on a dit Arden l'a fait 9 fois. Ne partez pas de 9. C'est le nombre de joueurs qui l'ont fait dans la saison. Certains ont pu le faire plusieurs fois. Qui commence? Et on va démarrer. Je vous ai laissé un petit peu réfléchir et comprendre la question par le duel, par le duo, pardon. Je suis encore dans le duel. Tim et Michel. Tu veux un chiffre alors, Un chiffre, un nombre, je ne sais pas, à vous de voir. Non, on va dire 10. 10 pour Tim et Michel. Jules et Alex. 11. 11. C'est le plus proche qui l'emporte. 12. Il a dit quoi, non, pardon? T'as dit quoi? Il a dit 10. Ouais, 12 alors. Mais sachant que c'est stratégique, on pense qu'il y en a plus. Ah ouais, bah moi je voyais moins, donc je vais mettre en dessous 9. 9, et la bonne réponse a été donnée, et il y en a qui sont bien châteux dans l'affaire. C'est 12. Allez là. C'est bien 12, et donc 2 points pour Tim, c'est Guillaume. On allait dire 20. Mais je c'est un point un peu venu d'ailleurs. Et maintenant, tour de table justement, citez-les-moi, et on démarre dans le même sens parce qu'on a les amateurs NBA qui sont quand même de ce côté-là. Ou non, justement, tiens, on fait l'inverse parce qu'au moins on laisse les plus faciles au début, normalement. On démarre par Flo. Non. C'est moi qui donne les règles. James Harden. Yes. 9 fois. Derrick Rose, une fois, effectivement. Pour la fin. J'avoue. Booker. Devin Booker, 2 fois. Clay Thompson, une fois. Westbrook ne l'a pas fait cette année. Salon. Il est MVP il n'y a pas longtemps, il ne le fait même pas. Bon. Donc du coup, Flo est éliminé malheureusement. Ouais, non, mais... Chris et Guillaume. Stephen Curry. Ah, je suis bête, j'aurais dû aller. L'a fait bien sûr une fois. Antetokounmpo l'a fait une fois. Kemba Walker l'a fait une fois. Ouh, vous êtes chaud, messieurs. Westbrook. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5 encore. Westbrook. On en a dit 7. Et du coup, on en est. Doncic. Doncic ne l'a pas fait. Guillaume et Chris sortent du jeu. Sur cette question, il y a 2 points. Hein. C'est une question. Une question où il y a beaucoup de noms à donner. Donc il y a une prime, bien sûr. Je suis dégoûté, mais... Jules et Alex. Joel Embiid ne l'a pas fait. Si vous en avez c'est gagné. La Marcus Aldridge l'a fait. LeBron James, ouais, j'allais dire. Il restait LeBron James. Michael Jordan. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Il n'y avait pas Paul George. Il y avait encore Kevin Durant. Il y avait Damian Lillard. Il y avait Blake Griffin. Blake Griffin, j'avais pas. T'imagines, le premier que j'ai mis. Point pour nous, quand même. Et point, du coup, 2 points, je rappelle, effectivement. Pour quoi? Pour le duo Michel Tim qui ouvre le compteur. C'était 2 points, ça? C'était 2 points, bien sûr. Mais non! Mais si. C'était 2 points. Ça n'a pas été précisé avant. On quitte l'émission. T'as porté derrière, toi. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne suis pas sûr de l'avoir dit. Et c'est une question, qui suis-je? Vous pouvez me couper à tout moment. Je suis né le 16 octobre 97. Je suis un sportif ou une sportive de haut niveau dans un sport très renommé pour l'état dont je suis originaire. Charles Leclerc. J'ai réalisé mes premiers faits d'armes dans un championnat régional en région PACA. Je suis le 3e pilote de ma nationalité à évoluer dans ma catégorie automobile après Louis Chiron et Olivier Beretta. J'évolue successivement chez Fortec Motorsport, Van Amersfoort Racing, Art Grand Prix en 2016 et Prima Racing en 2017 en Formule 2. Avant d'intégrer l'écurie Sauber dans une Alfa Romeo, je fais podium ce week-end. Je simplifie ma petite description. Je crois que ceux qui ont fait leur retour dans Sport & Chill vont Charles Leclerc. Ils prennent tous les points. Tim et Michel sont à 3 points et donc prennent la tête après un début difficile. Et question rugby, peut-être pour se refaire pour certains. Donc bon, Et il y a 2 points. Ah, hein, le Leinster et le Stade Toulousain se rencontreront en demi-finale de Champions Cup pour une rencontre qui promet entre deux équipes de prestige s'étant rencontrées déjà 2 reprises au cours de cette édition. Ce sont également les 2 équipes les plus titrées de la compétition en Europe. Mais au fait, citez-moi l'ensemble des équipes ayant déjà remporté la Coupe d'Europe de rugby sous le format Champions Cup ou H-Cup, c'est-à-dire que vous prenez pour premier indice comme première édition 1996. Ah, il est coquin, hein. Et on va démarrer par tiens, par des non-experts rugby sur ce type de questions, ça me paraît normal, avec Tim et Michel. Clermont. Clermont ne l'a pas fait. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça sort direct. Jules et Alex, je vous écoute. Tu le fais comment ton tour là ? Tu sautes des gens. On a le droit de dire Toulouse ? On a le droit de dire le Stade Toulousain, bien sûr, 4 fois. Plus titré de l'épreuve. Leinster. Et le Leinster, de même, il se partage la tête avec 4 victoires. Flo. Toulon. Toulon, 3 fois. On a les plus titrés cités. Jules et Alex. Saracens. Les Saracens, 2 fois. À nous ? Bien sûr, c'est à vous. Le Munster. Le Munster, 2 fois. Flo, il en reste 6 équipes depuis 96 à l'avoir remporté, dont 2 qui l'ont remporté 2 fois. Je vais dire, il reste 4 clubs anglais, 1 club irlandais. Arrête de donner des indices là. Le tricheur va. Il n'y a pas de triche, il en reste beaucoup encore. Ouais. C'est bon ? C'est bon, les gars. Je t'écoute. Bah, je vais tenter les Harlequins. Les Harlequins ne l'ont pas remporté. Ils ont remporté le challenge européen, par contre. Jules et Alex, je rappelle qu'il reste plus que 2 joueurs. Joli pour moi, rugby et NBA. Quoi. Ulster. L'Ulster l'a remporté. Pour Satanie. 1 fois. Pour les Nord-Irlandais. Oui. Vas-y. On enchaîne, messieurs. Les Wasps. Les Wasps l'ont gagné 2 fois. Vous avez dit qui, pardon ? Les Wasps. Ok. Leicester. Leicester l'a remporté 2 fois. Il reste 3 équipes. Ah, mais oui, Leicester. Anglaise, il a dit. Il... Ouais. Bon, je donne les indications, je l'ai fait avant, mais ce sera la dernière fois. Il reste notamment des Anglais. Oui, alors il reste encore des Anglais, je vais pas en dire plus. Ce qui veut pas dire qu'il reste que des Anglais. Hein. Baf. Il y a Bass qui l'a remporté. Il en reste plus que 2. Est-ce qu'il va y avoir une ex-aequo et qu'on les aura toutes ? Vas-y. Brive. Brive. Ah ouais, on oubliait un club français. Je voulais pas le dire parce que celle-là, c'était la pépite. Et il reste un club. Est-ce qu'ils vont l'avoir ? Sinon, c'est victoire. Et il vous reste 10 secondes pour répondre. Sinon, on n'arrivera pas à poser tout le prix. C'est anglais. Je ne le dirai pas là, les gars. C'est le dernier qui reste. Il vous reste 5 secondes pour dire un club anglais. Ou irlandais, ou écossais, ou français. Glasgow. Mais et non. Glasgow ne l'a pas remporté. Aucun club écossais l'a remporté. Est-ce que vous l'aviez ? Pour assurer la victoire. C'est Northampton ? Et c'est bien Northampton. C'est mérité. Glasgow, je les vois. 2 points pour vous. Ouais. Et ils reprennent la tête ex aequo avec Michel et Tim. Prochaine question. Au fait, si la prochaine finale de rugby a lieu à Newcastle. Ou comment ça se passe ? Il y a 2 questions au rugby qui se suivent. Si la prochaine finale 2019 a lieu à Newcastle, rapidité, où se passera la suivante ? Non, c'est pas bon. Saint-James Park. La suivante, la 2020. Ah. Où se passera la finale 2020 de la Champions Cup ? Écoutez bien, messieurs. Con, toi, tu de la merde. Rapidité. Murrayfield ? Wembley ? C'est un club de football. C'est un stade de football. Mais c'est pas Wembley. Saint-Tiron. Pour toi, Yacine. Manchester, Old Trafford. Anfield. Ce n'est pas un stade anglais. Ah. Cardiff. Le Camp Nou. Ah, je pensais que vous l'auriez. Saint-Tiron. C'est pas. C'est un pays de rugby, quand même. Pays de rugby. C'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie, par exemple, même s'il y a du rugby en Italie. La Viva Stadium ? C'est en France. Putain. Alors là, le stade des Cines. Le Pierre-Mauroy ? Non. Stade de plus évident, stade de Bordeaux. Stade de Vélodrome. Qui a dit le Vélodrome en premier ? C'est lui. En même temps, on l'a dit. Je sais pas. C'était tout juste. Sérieux ? Allez. Pour pas être Fanny, merci. Je vais dire Flo sur le buzzer. Moi, je suis un buzzer-beater, les gamins. Qui ouvre son compteur. Prochaine question, et c'est du tennis. Le Canadien Félix, s'il vous plaît, messieurs. Auger Aliassime est en grande forme dans cette première partie de saison et fait forte impression à 18 ans, allant chercher notamment une demi-finale sur le Master 1000 de Miami face au vainqueur sortant John Isner. Il a fait une série incroyable de 5 victoires contre 5 membres du top 20 sans perdre un set. Mais aujourd'hui, tour de table, quel est son rang à l'ATP depuis ce lundi? C'est le plus proche. Hors du culte. Ce qui veut dire qu'il a gagné quelques petites places. Le plus proche? Le plus proche de la réponse. Et s'il y a un ex-aequo, il faut pas être au-dessus. Et on démarre par Flo, allez. Parce que sinon... Du coup, tu as bien dit qu'il était en demi-finale. Hein. Il était bien en demi-finale. Ça dépend des autres. Donc je vais dire... bon, je pense qu'il est quand même loin. 72e. Oui, 72 du coup pour Flo. Guillaume et Chris. C'est pas dans l'autre sens le tour? Non. Non, c'est pas dans le sens. Ça change tout le temps là. Bah oui, c'est le jeu. Une réponse, messieurs, on va être en retard. Vas-y, vas-y. 22. 22. J'avais. Ouais, je dis 30. Bah, c'est le spécial tennis à les gars. 30 pour Alex et Jules. Non, on va dire. On est 75. 75. Et les plus proches sont Alex et Jules, c'est 33. C'était bon, même très proche. Bon. Il a fait une remontée incroyable et il a gagné 24 places avec ses dernières pertes. Vive le Québec libre. Il y avait une autre question tennis, mais malheureusement elle a été posée et ça va pas me plaire à Tim, mais ça peut peut-être aider certains. Il y a une question cyclisme. Comme signé dans la rubrique cyclisme, Miguel Angel Lopez a gagné le Tour de Catalogne. L'équipe Astana d'ailleurs est l'équipe ayant gagné le plus de victoires cette année. Surprenamment finalement devant les Belges dont on a parlé aussi de Deceuninck Quick-Step. Mais combien de victoires cette année depuis le mois de janvier du coup pour la saison de cyclisme? Et on démarre par tiens, par ceux qui sont en tête, par Jules et Alex. Victoire d'étape? Victoire d'étape ou tour, le nombre de victoires. On compte les une victoire en course par étape, ça compte dans les statistiques. Okay. Donc c'est victoire d'étape plus victoire d'une course. On se dépêche s'il vous plaît. 9. 9. Je pense que c'est plus. 9 pour Jules et Alex. Allez les gars, allez, on il en faut. Sens, le... C'est à vous. C'est à vous. 12. 12. Flo. 21. 21. 15. 15. Ils étaient vachement où? C'était 18 à un moment. Un perfect. C'est 21 pour Flo. Devant. En 4 mois. Avec 20. La saison, elle a pas justement, j'aurais pas dit 20 quand même. L'équipe Quick-Step. Dernière question, messieurs. J'accélère parce que on n'aura pas le temps de faire les autres. Et puis, il y en a qui vont être contents. C'était deux questions en cyclisme que je zappe. Oh. Donc, question football pour vous départager. Ah, j'allais dire, elle est toujours pas tombée question foot. Le seul truc qui nous rassemble tous au final. Kylian Mbappé a à nouveau marqué en Ligue 1 ce week-end et ne cesse d'affoler les compteurs avec déjà 26 buts cette saison en championnat. Mais quels sont? Il y a 3 points, donc beaucoup peuvent se refaire. Les autres joueurs des 5 grands championnats européens à plus de 15 buts en championnat en 2018-2019. On avait fait 10 buts il y a un petit moment. Il y en a combien? Ça a augmenté. Je n'ai pas dit le nombre, il y a pas mal de joueurs, honnêtement. À plus de combien? Plus de 15. À plus de 15 buts. Et on y va. Attends, il faut un et stylo, sachant qu'il y en a beaucoup, on peut enchaîner. C'est un stylo là. Ah, mais il faut prévoir le coup, messieurs. Bon, on va pas démarrer par vous, au moins je vous passerai un stylo. Et on va démarrer par. Par Tim et Michel, tiens. Au moins j'arriverai à suivre, c'est juste à côté de moi. Attends, et on commence s'il vous plaît. Au début vous devez en avoir. Vous réfléchirez après en avoir dit un. Tim et Michel. Messi. Il y a Messi. 31 buts, c'est même le meilleur buteur en championnat européen. Mbappé ça compte ou faut Mbappé ça compte. Guillaume et Chris, il me faut une réponse. Un premier joueur. Juste avant, pardon. Mbappé. On va dire Cavani. Il y a Cavani. Ah oui. Cristiano Ronaldo, il y a Cristiano Ronaldo. Oui. Plus tard. Oui. Allez. Quelqu'un? C'est à nous? Eh oui. Neymar. Il n'y a pas Neymar. Oh. Il a mis plus de 15 buts. En championnat non. Ah bon? Nicolas Pépé. Nicolas Pépé oui. Finir là. Merde. Merci. Messieurs. À nous. C'est à nous. Vas-y, ouais. Agüero. Agüero, oui, il y était. Piatek. Piatek, il y est. Joli. Quagliarella, meilleur buteur du championnat italien. Il a été dit. Oui. Guillaume et Chris. Non, il n'a pas été dit. CR7. CR7, Il a déjà été dit. J'ai dit Cristiano. Oh, je... oh, oh non, non, non. Mais ils ont le droit à une seconde chance. Vous avez le droit à une seconde chance. Ah, ok, ben. On va essayer. Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, il a déjà été dit aussi. Il y a l'instant. Le sérieux, ça les gars, on peut pas en faire plus. Flo. On aurait perdu. Lewandowski. On l'avait. Lewandowski, il y est. On peut pas penser aux équipes. Messieurs, ouais, vas-y. Alex. Jovic. Jovic, il y est. Il y a le... celui-là. Flo. Mossala. Mossala, il y est. Les gars. Allez-y. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann n'y est pas. Si tu en as un, Flo, t'as gagné. Timo Werner. Timo Werner n'y est pas. Vous êtes remis en jeu. Hein ? Vous êtes remis en jeu. Que, 15, t'as dit. Il a marqué beaucoup. 15 buts, Werner, dernièrement. Non, il n'en a pas dit. Harry Kane. Harry Kane, il y est. Ouais, j'en ai. Ah. Aubameyang. Aubameyang, y est. Je crois qu'on va stopper l'agenda par contre. Pour faire les tips. Allez-y, les gars, il m'en faut un. Karim Benzema. Karim Benzema n'y est pas. Mais oui, c'est et clair. Flo, tu dois finir. Lukaku. Lukaku n'y est pas, mais vous êtes sérieux? Vous voulez pas? Ah, mais bon, c'est chaud. Pléa n'y est pas. Le premier qui en a un, c'est bon. C'est gagné. Parce que là, il est. La Cazette. Oui. La Cazette y est. Allez, c'est bon, c'est Zapata. Et Zapata, ah, Zapata. Icardi, non? Icardi. C'est que je cherchais depuis tout à l'heure, ah, Icardi, et j'ai, c'est un défenseur aussi. Il n'y a pas l'Italie. Et ouais, contre toute attente, c'est une victoire au buzzer de Flo. Il n'y a pas Mertens. C'est une victoire de Flo avec 5 points devant Alex et Jules à 4 points, Tim et Michel à 3 points et Chris et Guillaume à 2 points. Il y avait Milik. Allez, on va continuer. On va pas faire l'agenda parce qu'on va être en retard sinon, je suis désolé. Peut-être juste l'agenda Montpellier parce que c'est le plus important avec MHB Toulouse, Orenburg BLMA mercredi, MHR Agen, Chambéry Vipers, BLM à Bourges, samedi et dimanche, Chambéry, MHB en demi-finale de Coupe de France. Et les tips de la semaine pour terminer avec Tim, qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine? J'ai un petit combiné NBA. Alors j'ai mis, y a des matchs ce soir, j'ai mis Indiana contre Détroit, je vais Indiana. Toronto vainqueur contre Orlando. Boston vainqueur contre Miami, Portland, vainqueur contre Minnesota et Cleveland vainqueur contre Phoenix, cote à 7,44. Et c'est tout ça, c'est la cote à 7,44, c'est ouais. Ça ouais. Ok. Donc tu conseilles à nos tippers. Juste dernière semaine NBA d'ailleurs. J'ai oublié de dire qu'il y a MHSC Guingamp qui aura lieu donc mercredi à 19h. Vu qu'il n'y aura pas beaucoup de monde à la Mosson, vaut mieux le dire. Voilà. C'est tout avec modération quand même sur l'argent. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Stéphane. Merci Gros. À vous. Et excusez-moi pour ce quiz un peu long, mais on s'est régalé. Non, mais pas de soucis. Merci à nos invités des Vipers évidemment hein, et à nos chroniqueurs nombreux ce soir à Sport and Chill et merci évidemment à la technique aussi on est pas en retard là, c'est bon 21h ça vient d'arriver. Je suis sur le gong. Depuis tout à l'heure j'essaye de trouver ce qu'il y aura juste après nous, je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux me dire s'il te plaît à la technique ce qu'il y a juste après? Merci. Merci c'est pour ce moment. Des gens avec des plaquettes de musique, ça a l'air c'est stylé. C'est A-Block tout de suite. A-Block tout de suite avec DJ Set de Woman, la technique qui me l'a transmise à l'instant. Suivez nos programmes. Et exactement, restez sur Radio Campus Montpellier. Nous, on se quitte avec le son de la semaine. C'est le Stade Toulousain qui s'impose à la fin contre le Racing, 23-22. Stade Toulousain qui sera en demi-finale contre le Leinster. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine de 19h à 21h sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Preuve. Il va siffler mêlée. Ouais. Pénalité pour Toulouse. Alors quel joueur de Toulouse. Pénalité pour les hommes d'Hugo Mola qui vont rejoindre le Leinster en demi-finale à la Viva Stadium à Dublin. Quelle performance aujourd'hui de cette équipe imbattable depuis 14 matchs en top 14 et qui crée l'exploit cet après-midi à la Viva Stadium.